Feu Chatterton, IBI, Rosé Gonzalez, Christophe, Charles Bradley, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec la première, la 2, Wico, SD Works et ING. Qu'est-ce qui est vert, rapide et tout le temps disponible? Taxi vert colis. 02 349 46 46. À partir de 6,61€ hors TVA. Le soir, vous offre un cadeau croustillant. Ce lundi 13 juin, recevez gratuitement le nouveau Nutella Be Ready. Le biscuit qui en fera craquer plus d'un. Votre biscuit gratuit, c'est ce lundi en librairie avec votre journal Le Soir. Le Soir, je lis, donc j'agis. Bernard adore écouter. Thomas est plutôt... Bernard aime. Thomas, lui... Mais tous les deux travaillent pour la STIB, les transports publics de Bruxelles, le plus grand employeur de la ville. Trouvez le job de vos rêves parmi 300 métiers différents sur jobs.stib.be. La STIB. La première. Une excellente matinée, il est 9h. Et le journal, c'est avec Sophie Brems. Bonjour Sophie. Bonjour à tous. La fête du foot déjà gâchée. À Marseille, des bagarres violentes ont opposé des supporters russes et anglais. Frappé à coups de barre de fer, un supporter anglais se trouve entre la vie et la mort. Une question ce matin, les autorités ont-elles finalement tout prévu? En tout cas, les Diables Rouges, eux, quittent leur camp de Bordeaux ce matin, direction Lyon, pour jouer leur premier match demain face à l'Italie. Lyon qui attend aussi les supporters des Diables. Aux États-Unis, c'est déjà l'heure du choix et des hésitations pour les électeurs qui se rendront aux urnes en novembre. Notre correspondante a été prendre la température dans la communauté cubaine qui pourrait changer ses habitudes de vote. Et puis en fin de journal, nous irons dans la classe de Madame Nadège où cette semaine, les élèves ont préparé leurs cadeaux pour la fête des pères, c'est aujourd'hui. La fête du ballon rond déjà donc ternie en France. Des centaines de supporters russes et anglais se sont violemment affrontés hier après-midi avant le match à Marseille. Il y a 35 blessés, dont 4 graves. Un est toujours entre la vie et la mort ce matin. Des bagarres particulièrement violentes à coups de chaises, de bouteilles en verre. Les terrasses du Vieux-Port ont été saccagées et la polémique enfle déjà en France. Ce matin, Simon Bourgeois, les autorités ont-elles tout fait pour éviter ça? Non. D'après certains experts français en hooliganisme, il y a eu des erreurs. L'alcool, par exemple, il aurait fallu envisager de l'interdire complètement hier à Marseille. Ça s'est déjà fait d'ailleurs dans des grandes compétitions de foot, là où les Anglais jouaient. Et puis Marseille, le choix de la ville n'est pas très judicieux. Marseille qui a déjà pas mal de problèmes de violence comme ça, pas besoin d'ajouter un match tendu en plus. Réponse des autorités, c'était un match à risque, on le savait, et pour Thierry Braillard, le secrétaire d'État français au sport, tout a été fait en conséquence. Le dispositif a été mis en place, il n'y a jamais eu autant de forces de l'ordre sur Marseille. Il se trouve qu'on ne peut pas être derrière chaque supporter qui décide d'être ivre et ensuite de se battre. Même son de cloche du côté de la première adjointe au maire de Marseille. Elle parle de hordes de sauvages très vite maîtrisées par la police, des événements rapidement sous contrôle. Elle veut tourner la page. Nous savions que le match était à risque. Le préfet de police a mis un dispositif à la hauteur de l'enjeu. Et là maintenant, nous continuerons la fête et nous ne reculerons pas. Il ne faut surtout pas se prêter à certaines polémiques. Ce n'est pas le moment. Redressons la tête et nous continuerons l'Euro 2016 à Marseille dans les meilleures conditions. Et cet Euro 2016 continue. Troisième journée aujourd'hui avec deux nouveaux matchs à risque. Turquie-Croatie à 15h et puis à 18h, Pologne-Irlande du Nord. D'ailleurs, il y a déjà eu des bagarres entre Irlandais et Polonais hier à Nice. Bilan là-bas. 7 blessés, dont un grave. Et côté résultat, on va quand même le dire, hein, le match d'hier entre la Russie et l'Angleterre s'est soldé par un but partout. Alors demain, le match entre la Belgique et l'Italie à Lyon n'est pas considéré comme un match à risque. La plupart des supporters belges vont arriver ce dimanche ou même demain. La ville se prépare à les accueillir. Ariane Dufresne et Sébastien Joris ont poussé les portes de deux établissements qui, vous allez l'entendre, attendent les supporters de pied ferme. Alors ici, c'est le bar Levin. Je suis Simon, je suis le gérant. C'est paradoxal, il y a de la ferveur et en même temps, moi je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, beaucoup plus de monde. Quand même quoi, je pensais que ça allait bouger plus que ça. Donc en fait, vous attendez les Belges? Eh ben j'espère qu'ils vont faire bouger les choses, ouais. Alors bonjour, moi je suis Olivier. Donc ici, nous on fait 15 bières pression, uniquement belges, et 60 bières bouteilles. Le lieu n'est pas attirant pendant le moment du match parce qu'on ne retransmet pas les matchs. On a surtout les filles... qui viennent en groupe nous voir pendant que les garçons ils sont en train de regarder le match. Et après, les garçons rejoignent les filles et ça fait la fête. Voilà. bah, les Lyonnais vont pas être contents parce qu'il va y avoir plein de Belges qui vont venir leur piquer leur chaise en terrasse. Et il y aura plein de Belges ici aussi, bien sûr, pour soutenir les Diables Rouges qui quittent Bordeaux ce matin, direction Lyon. À un peu plus de 24 heures du match, la pression commence à monter dans les deux camps. Côté belge, Marc Wilmots, l'entraîneur, a bien évidemment décrypté toutes les facettes de notre premier adversaire. Et dans ce domaine, il a sans doute pu compter sur les conseils de Dries Mertens. Le médian belge évolue en effet en Italie, à Naples, depuis 3 ans, et connaît donc bien cette équipe italienne. Ça va être un match très très difficile. Et j'espère que, avec un peu de chance, on peut gagner ce match. Conte, je connais, c'est un entraîneur qui est très fort tactiquement, qui joue avec une défense, qui joue déjà presque 10 ans ensemble à la Juventus. Que c'est une équipe très forte, qu'ils ont une bonne défense, tu reçois peut-être 2-3 occasions, même pas. Et si tu les marques pas, c'est dangereux de l'autre côté. Mais ils ont moins de vedettes qu'avant, quand même. Les journalistes italiens disent même que c'est une équipe relativement faible. Ouais, mais ça ne veut pas dire des vedettes qui font toujours la différence. Parce que si je vois la Roumanie hier, France avait très difficile avec presque 11 vedettes dans l'équipe. Ça ne fait pas toujours la différence. Les Diables sont prévenus. Dries Mertens, interrogé par notre envoyé spécial Thierry Luters. L'Euro 2016 est à suivre, bien sûr, sur tous les médias de la RTBF. Des orages ont à nouveau éclaté hier soir au-dessus de la Belgique, provoquant de nouvelles inondations, notamment hier soir dans le Brabant flamand, du côté de Hal et Le Saint-Pierre. Les pompiers sont intervenus de nombreuses fois pour des caves sous eau. Quelques interventions également à Bruxelles en début de soirée. Des tunnels ont dû être fermés à la circulation, mais ce matin, tout est rentré dans l'ordre. Les patrons de Bruxelles, eux, critiquent l'action en justice lancée cette semaine par le gouvernement bruxellois contre le gouvernement fédéral. Action pour tenter d'alléger le survol de la capitale. Pour le BCI, la fédération patronale, le moment est mal choisi pour partir en guerre contre Bruxelles Airport. Si nos ministres bruxellois avaient voulu infliger plus de dégâts à l'économie et à l'emploi, ils n'y se seraient pas pris autrement. Fin de citation. Cette question à présent, Luc Hénard risque-t-il une sanction? Une lettre envoyée au ministre de la Justice met en cause le président du tribunal de première instance de Bruxelles. Il entraverait la réalisation d'un audit, un diagnostic, des maladies de son tribunal pour comprendre pourquoi on y relève des erreurs. Sont-elles liées à un manque de personnel, à des failles de management ou à d'autres raisons? Les auditeurs se plaignent dans un courrier. Le président du tribunal, Luc Hénard, ne collabore pas. Derrière cette lettre, il y a donc un conflit. Myriam Ball avec Baptiste Dupin. Luc Hénard n'a pas la langue en poche. Régulièrement, il dénonce le manque de personnel et de moyens de son tribunal de première instance. Et ces derniers mois, il cible le ministre de la Justice, le CDNV, Koen Gaens. Koen Gaens, lui, y voit de l'ingratitude, alors que des moyens ont, dit-il, été débloqués. Voilà pour le contexte. En février, une erreur très médiatisée d'un juge bruxellois avait décidé, Koen Gaens, à demander un audit. L'audit commandé à ce moment-là semble aujourd'hui compromis. Selon le Conseil supérieur de la Justice, le président du tribunal de première instance, Luc Hénard, ne collabore pas, il ne transmet pas certains documents. Le ministre dit en prendre acte. Un manque de collaboration d'un magistrat dans de telles circonstances peut valoir une enquête disciplinaire et des sanctions. Alors, Luc Hénard est-il sur la touche? Est-ce lié à son franc-parler ou à de réels problèmes de management? Luc Hénard annonce une réaction en début de semaine, mais se dit favorable à un audit tant qu'il est réalisé en bonne collaboration. Sous-entendu, pas de cette manière. Plus de suspense, on connaît déjà les noms des nominés pour l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis. On vous l'a dit cette semaine, Hillary Clinton donc et Donald Trump seront investis officiellement chacun lors des conventions de leur parti. Ce sera cet été. Mais c'est déjà l'heure du choix et des hésitations pour les électeurs américains qui se rendront donc aux urnes en novembre. Alors que les candidats vont tous se faire pour séduire les minorités, la diaspora cubaine, elle, est très divisée sur cette élection. Car le vote cubain est traditionnellement républicain, mais face à la présence de Donald Trump, eh ben beaucoup pourraient virer vers les démocrates. Reportage à Miami de notre correspondante Sonia Dridi. Dans le quartier de Little Havana, il y a un endroit où les Cubains aiment se retrouver, le Café Versailles. Malgré le nom français, on y vend empanadas et sandwichs cubains. Beaucoup sont des anticastristes de la première génération. Aujourd'hui, ils sont divisés sur l'élection américaine. Roberto a déjà fait son choix. Trump. Pourquoi? Parce qu'il est différent. Lui-même immigré, il n'est pas contre la proposition du candidat républicain de construire un mur à la frontière avec le Mexique. Je ne pense pas qu'il fera ça. Je pense que c'est de la propagande. Mais s'il le fait, c'est OK. Tony est lui atterré par cette élection. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça avant. Je vais vous parler de Trump. Il utilise notre langage, ou encore pire. Ce n'est pas bien que quelqu'un comme lui devienne président des États-Unis. Je ne sais pas pour Hillary. Elle a de l'expérience, mais bon. Mais pour certains, notamment les femmes, tout doit être fait pour empêcher Trump de gagner. Heureusement qu'on a Clinton. Je vais voter pour elle, car Trump est un désastre, un monstre. J'ai peur de lui. D'autres, comme Anna, ne sont convaincus par aucun des candidats. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voter pour l'un ou pour l'autre. C'est des candidats qui polarisent. Le chiffre le plus intéressant pour l'élection de novembre sera peut-être celui du taux d'abstention. L'aéroport international de Dubaï, l'un des plus actifs du monde, a été fermé pendant plus d'une heure en raison d'un survol de drones. Certains vols ont connu des retards de plus de 4 heures. Des vols ont même été déroutés. Alors ce n'est pas une première. Le même incident était intervenu il y a déjà 18 mois. Le périmètre de l'aéroport est normalement interdit aux drones. Une enquête a donc été lancée. Les responsables du survol s'exposent, s'ils sont identifiés, à de très fortes amendes. Pas de carton rouge pour les papas justement aujourd'hui. Ils sont à l'honneur ce dimanche. Poèmes, petits bricolages, dessins seront offerts. Les enfants y ont travaillé toute la semaine. C'est le cas par exemple des élèves de Madame Nadège de l'école communale de Scarbec. Perrine Bulan a poussé la porte de la classe. Ça fait déjà 2 jours qu'ils trépignent d'impatience et pour cause, Emine, Ayoub, Ryan et Gracia ont préparé leur surprise comme des chefs. Vous avez fait quoi pour la fête des papas? On s'est maquillé. On s'est maquillé. Très bien. Qu'est-ce que madame elle a fait? J'ai fait quoi? Ah, merci, j'ai fait des photos. C'est avec Madame Nadège que les enfants de 5 ans ont préparé le cadeau de la fête des pères. Ça s'appelle une carte. Qu'est-ce qu'il y a dans cette carte-là? Il y a un dessin de papa. Dedans, on avait mis « Bonne fête, papa ». Il va dire merci. Il va mettre un clou. Après, il frappe un peu avec le marteau. Et après, on pourra le regarder. Mais le plus beau cadeau, c'est certainement la déclaration qui accompagne la surprise. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ton papa? Tu es beau. Ah, je t'aime. Ben, je vais lui dire que je l'aime beaucoup. Bonne fête, papa! Voilà, tout est dit. Très bon dimanche à vous. Toute l'info est sur rtbf.be. Et il est grand temps de rejoindre les Belges du bout du monde et on embarque direction la Suède. Ça se passe sur la première. Demain à 22h. Par où dire? Là, on me dit, vous avez un syndrome de Guillain-Barré. Salut, petite Laine. Je n'ai pas de nouvelles très récentes de toi. Au dernier, tu es encore là-bas au fond de ton aquarium, petite sirène, et tu n'as pas encore donné le coup de nageoire pour commencer à remonter. Des pieds à la tête, tes muscles se sont mis à ne plus fonctionner. Momie, de Camille Lafrance et Martine Abbat. C'est un régal quand les visiteurs comprennent que je veux être pulvérisée comme une plante. Par où dire? De 22h à 23h sur la première. Et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. La première, 9h-10h, le dimanche, les Belges du bout du monde, avec Adrien Jovenot. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ils ne sont pas spectateurs de leur vie, ils en sont les héros. Ce sont nos Belges du bout du monde, partis outre-mer ou venus d'un pays voisin pour vivre chez nous. Ces expats nous épatent et se racontent tous les dimanches matins au micro de la première. Alors aujourd'hui, il sera question de vikings, du solstice d'été, de la plus grande forêt d'Europe, des forges wallonnes d'Uppsala aussi, puisque nous débarquons en Suède chez Michel Mascolier. Et je dirais Michel le, hein, une héroïne aujourd'hui. Michel, bonjour. Bonjour, bonjour, mais je ne suis pas du tout une héroïne. Hein. Tout ce que vous avez dit est correct, sauf cette partie-là. Quoi. Mais bonjour tout le monde. D'accord, ne soyez pas trop modeste. Vous avez quitté la Belgique il y a 33 ans. Où vivez-vous précisément, Michel? Je vis dans une petite localité, mais très près de Stockholm. En fait, c'est comme si on parlait de... Drogenbos ou Boisfort par rapport à Bruxelles, quoi. Une petite localité qui est quand même assez grande au sud de Stockholm, à peu près 15 km au sud de Stockholm, en fait. Oui, alors vous faites bien de parler de Boisfort parce que c'est là que vit l'artiste suédoise que j'accueille en studio. Bonjour, Cici Olsson. Bonjour, bonjour. Hey, Michel. Hey, Molu. Hey, Cici, et mon bras, tac. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Oui, rencontre virtuelle par téléphone, en attendant en plus, hein, c'est un premier contact entre vous qui êtes photographe en Belgique depuis un quart de siècle, et puis Michel qui est chimiste en Suède, chimiste comme Alfred Nobel. Mais vous avez consacré vos recherches à la chimiothérapie de la leucémie, on en parlera d'ici 10 heures bien évidemment, avec aussi nos chroniqueuses bourlingueuses en studio. Sophie Mergen, le monde de Sophie, ça c'est une petite allusion norvégienne, scandinave quand même. Sophie, bonjour. Bonjour Adrien. Et puis Maria Mallard, petite dose d'impact au journalisme, de quoi allons-nous parler? Oui, alors je vais vous parler d'une des villes les plus vertes d'Europe, qui a donc développé beaucoup d'initiatives vertes. D'accord, et c'est pas Bruxelles? Non. C'est en Suède. C'est en Suède, d'accord, parce que Bruxelles, tout un temps, était la capitale la plus verte d'Europe. Chaque dimanche, de 9h à 10h sur la première, les Belges du bout du monde. Ce matin, on brunch en Suède. C'est du costaud, hein, c'est du lourd le petit-déj là-bas. Alors qu'est-ce qu'il y a sur votre table ce matin, ce dimanche matin, Michel? Le buffet bien connu dont vous avez peut-être entendu parler, la smörgåsbord, en fait, qui vous permettra de goûter aux différents saumons, des différentes préparations, comme le gravatlax, qui est en fait un carpaccio de saumon délicieux, ou d'autres types fumés à chaud, fumés à froid, enfin tous les types de saumon, et puis tous les types de sardines, différentes préparations. Enfin. Donc si on veut faire un brunch bien complet, c'est sûr qu'on a, on a peut-être besoin de presque toute la journée. En fait. Oui, c'est sûr, et on saute le repas de midi hein, sur notre table. Absolument. Ce matin. C'est plus frugal, un café, quelques pistolets, et puis une carte d'Europe pour bien nous situer en Suède, hein. Un pays de forêts, de lacs à perte de vue, la nature est reine, la reine se Sophie Marianne va nous en parler. Vous nous faites un tour d'horizon du troisième plus grand pays de l'Union européenne. Oui, situé en Scandinavie, entre la Finlande et la Norvège, le royaume de Suède fait la surface de la France, mais pour la population de la Belgique. Donc la densité de population est faible, on l'aura compris, hormis bien sûr dans les métropoles comme la capitale Stockholm. Première capitale verte de l'Europe, Stockholm est aussi l'une des plus belles villes du continent. Nichée dans l'eau, elle est bordée d'un archipel de pas moins de 30 000 îles qui s'ouvrent sur la mer Baltique. Alors ce qui est sûr, c'est que c'est une contrée qui a su préserver sa richesse naturelle dans un étonnant contraste entre quiétude des campagnes et modernité des villes. Contraste également entre le nord du pays, très montagneux, et le sud, bien plus plane, favorable à l'agriculture. Alors, outre le travail de la terre, l'économie suédoise repose surtout sur l'industrie et l'exportation. Oui, et les ressources naturelles sont en fait la base des industries suédoises. Le bois, l'hydroélectricité et le fer sont les principaux produits exportés vers l'Union européenne. Notons d'ailleurs que la Suède a intégré l'UE en 1995, mais qu'elle ne fait pas partie de la zone euro. Alors pour revenir à l'économie suédoise, eh bien c'est une économie solide, notamment grâce aux piliers de la haute technologie et surtout de l'État-providence. Le taux d'imposition est donc élevé, mais en contrepartie, les assurances prennent énormément en charge les malades, les chômeurs, les parents en congé. Il y a également un large panel de services publics de qualité, une scolarité gratuite, des crèches en suffisance et j'en passe. Confirmation avec notre Belge du bout du monde, Michel Masquelier, parti toute seule dans sa petite voiture il y a 33 ans et à la tête maintenant d'une famille nombreuse. Vous avez combien d'enfants, Michel? J'ai 5 enfants, mais ils sont grands maintenant. J'ai eu ma première petite fille il y a 4 mois, en fait. Voilà. On a commencé la génération suivante. Mais ils sont lents, mes enfants, donc je ne sais pas combien de temps ça mettra. Mais voilà, oui, je confirme, la Suède, c'est un pays génial, quoi. Ça, je confirme. Ouais, ouais. Il faut être dingue pour quitter la Suède, Cici Olsson. Qu'est-ce que vous êtes venu faire chez nous? Je suis dingue, c'est tout simple. C'est vrai qu'il y a un moment que j'ai voulu retourner, c'était après avoir eu des enfants, je me suis dit, oh, ici, ça ne va vraiment pas. C'est vraiment une insulte à la femme et l'enfant d'avoir... trois mois de congé maternité. Mais vu que j'étais de toute façon indépendante, j'avais aucun congé de maternité. Donc j'ai bossé avec mes enfants en Mexico aussi. Oui, donc mais vous êtes un peu dingue, c'est pour ça que vous restez chez nous, c'est le pays des allumés. Mais bien heureux, les fêlés, ils laissent passer la lumière. Vous êtes un peu chez vous en Belgique alors, si. Complètement. Vous êtes devenu belge. Les congés de maternité, on va juste comparer, parce que chez nous, trois mois quand on y a droit, hein, quand on n'est pas indépendante comme vous. Mais chez vous, maintenant, en Suède, Michel Mascolier, combien de temps? Mais c'est au moins un an et demi, et on peut même le prolonger si on aménage ses congés en diminuant la somme qu'on reçoit. Oui. Et en plus, c'est partagé, quoi. Maintenant, les hommes sont obligés de prendre au moins 6 mois, enfin obligés, on conseille de prendre, pour permettre aux femmes, justement, éviter la discrimination des femmes. Oui, mais c'est pas mal que de nous dire ça, c'est la fête des pères aujourd'hui en Belgique, donc là-bas, les papas ont droit à prendre leur congé de paternité. Et c'est même vivement recommandé. Ça a été le cas dans votre histoire d'amour là-bas, sur les 5 enfants, vous avez partagé un petit peu, le papa a pris sa dose ? Non. Non, c'est-à-dire qu'à l'époque, les papas n'avaient que 10 jours et puis on gagnait quand même plus quand le salaire le plus élevé ne prenait pas son congé de maternité. Donc on avait choisi de faire comme ça. Et quelque part, ça me plaisait bien de m'occuper des enfants. Mais disons que c'était un choix et je suis heureuse que les pères puissent participer beaucoup plus activement à l'éducation de l'enfant et à son développement. Mmh. C'est un petit retard que la Belgique a sur la Suède. Vous avez l'impression que votre pays natal, Cissi Olsson, a une génération d'avance sur le nôtre ? Totalement, un et demi. Génération et demie, oui, carrément. Ouais. Surtout au niveau d'égalité homme-femme, c'est flagrant, quoi. Ouais. C'est choquant. Mais même, je suis d'accord avec une fois, mon père, il m'a dit, mais c'est dingue, j'ai sacrifié tous mes privilèges masculins, tout ce que ton grand-père m'avait appris, mais j'ai tout à sacrifier, et maintenant tu maries avec quelqu'un plus vieillot que moi. Voilà, c'était un peu sa conclusion. Parce que vous avez épousé un Belge ? Ouais, complètement. Ah oui, un Belge, alors rencontré en Tanzanie, ça c'est complètement incroyable. Mais c'est dingue. Ouais, ouais. Qui vous a demandé en mariage 2 jours après vous avoir rencontré ? Ouais, ouais, et j'ai dit oui. Les romantiques existent encore, quand même. Des romantiques dingues. Dingue, oui, oui, oui, pas mal. La suite de l'histoire, on va la raconter après avoir écouté un duo suédois qui cartonne cette année. C'est Peter Bjorn et John en sifflotant sur la première. You'll be doing fine. Starting Jesus. Ça, c'est le genre de mélodie que vous allez avoir en tête toute la journée. Peter Bjorn et John avec Breaking Point. Ce matin, deux Belges du bout du monde nous racontent leur point de rupture. Cici Olsson, photographe suédoise en Belgique, et Michèle Masquelier, chimiste belge en Suède. Elle nous explique pourquoi et comment elles se sont retrouvées chacune dans le pays de l'autre. Tweetez avec les Belges du bout du monde via le hashtag BBDMRTBF. Alors vous, Michèle Masquelier, c'est un peu l'amour qui vous a aiguillé vers la Scandinavie, parce qu'au départ, vous étiez plutôt partie vers la Californie, je crois. Oui, en fait, c'est pas l'amour, c'est ma profession. Parce qu'en fait, j'avais donc fait un doctorat à Woluwe sur la leucémie, dans l'institut du professeur de Duf. Et puis, je voulais partir faire un post-doc en Amérique. Mais il s'est fait que... En allant à une conférence en Italie, j'ai rencontré un Suédois avec lequel j'avais travaillé et qui m'a proposé de venir travailler dans son laboratoire en Suède. Alors c'était le 10 avril 1983, vous avez pris votre petite fillette, couleur cacadois, carrément, merci pour le détail, et vous êtes partie toute seule. La science en tête, parce que c'était pas une question d'amour, c'était une question, j'allais faire un post-doc en Suède en fait. D'accord, mais vous avez craqué là-bas alors? Enfin, ça ne me regarde pas. Oui, j'ai craqué là-bas, mais après un an quand même. J'ai d'abord craqué pour la Suède, quoi. Vraiment. D'accord. Le pays m'a plu énormément. Quoi. Oui, vous êtes plus résistante que Cici, parce qu'elle, après deux jours, elle a dit oui. Hein, Cici. J'ai dit oui. Hein. Ah oui. Intense. Hein. Oui, mais on va s'intéresser un peu plus maintenant à la Suède côté politique. C'est la social-démocratie qui fait partie intégrante de la culture suédoise, Sophie Marienne. Oui, c'est presque une idéologie, même si depuis quelques années, le Parti social-démocrate a perdu sa position de leader absolu. La droite et même l'extrême droite ont gagné du terrain depuis les élections de 2006. Ce n'est qu'en 2014 que les sociaux-démocrates reviennent au pouvoir sous la houlette de Stefan Löfven, le premier ministre actuel. Alors à côté de ce système politique axé sur les partis et les compromis, on connaît bien ça en Belgique, il faut savoir que le chef d'État suédois n'est autre qu'un roi, le roi Carl XVI Gustave. La Suède est en effet une monarchie constitutionnelle. Néanmoins, le roi n'a plus qu'une fonction honorifique. Bah, un petit peu comme chez nous, hein. Il y a des points communs d'ailleurs entre nos deux royaumes, la Belgique et la Suède. La Belgique, vous y êtes arrivée, Cici Olsson, il y a 25 ans. Quel a été le choc après la Tanzanie? Vous êtes née donc à Uppsala, en Suède. Vous avez grandi à Stockholm. Après, vous avez passé, je crois, 2-3 ans en Tanzanie. Oui, c'est ça. Eh bien, j'avais jamais voulu aller en Belgique. Donc, à contraire de Michèle, je n'avais jamais choisi la Belgique. Donc, c'est vraiment un concours de circonstances. Et je pense que je suis arrivée à Liège, à la gare de Guillemin. Et... Vous êtes venue en train, en fait. Oui, aller simple, en train, avec 210 vinyles. Toute la collection d'Abba, j'imagine. Non, justement, et ça, j'ai dit à quelqu'un hier, il ne faut surtout pas vendre ces vinyles, parce que moi, j'ai donné tous mes vinyles. Quand un jour, je me suis dit, ah, comme c'était nul, Abba, maintenant je suis punk, je donne tout, et je regrette à fond. Mais alors, voilà, ma première impression de la Belgique était horrible. J'ai trouvé ça d'une saleté et grave. Je trouvais ça immonde. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est vraiment... L'image des grèves, il y avait des grèves partout. Des grèves il y avait... en Belgique, c'est pas possible ça. Non, et la pluie non plus, hein. Jamais. Jamais de grève, c'est pas possible. Vous devez vous trouver de pays. si. Mais malgré tout, j'ai trouvé du charme. Ah, merci. Voilà. Merci. Alors, on va faire un petit test. J'ai été fouillé dans le coffre des vinyles que vous avez apportés en Belgique il y a 25 ans. J'ai retrouvé quelques disques. Je vous propose de les écouter. Et c'est un petit blind test entre vous. Sophie, Mariam qui est en studio, et évidemment Michèle qui est en Suède peut jouer avec nous. Ce sont des hits suédois que vous devez reconnaître. Ah bah, très bien, ça c'est facile. Bravo, vous connaissez par cœur. Ouais. Ok, bah, vous avez réussi le premier, attention, le deuxième va arriver bientôt. Le nom du groupe Europe. Très bien. Bravo. Mais vous riez, mais vous marquez des points quand même. Hein. Ah oui, Roxette. Par Gesslem. Et Marie, comment s'appelle ta nom? Ouais. Marie. Fredriksson. Ah, Mary Fredriksson, c'est ça. Et ça, le petit dernier ah, et ça, oh oui, mais ça, je, oui, je sais, je connais. C'était Ace of Base, je suis content, vraiment. Vous... Ace of Base, oui, c'est ça. Et mon père, il trouve que le mec d'Ace of Base est super intelligent et il est fasciné par l'intelligence de mec. Alors, vous êtes intéressé surtout aux artistes belges en arrivant ici. Vous avez fait plein de livres, Cissy Olson, avec Elvis Pompilio, des livres sur la mode aussi, mode, c'est belge, sur les brasseurs belges. Oui. Oui, oui, on s'intéressait à beaucoup parce que, en gros, un peu comme vous, on s'intéresse aux gens, et les parcours de vie, et si c'est des moines dans un monastère au Laos, ou si c'est des agriculteurs au fin fond de la Wallonie, on s'intéresse. L'aventure humaine. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de plus ou moins intéressant, je crois qu'ils sont tous intéressants. Et on est tous héros de sa vie, hein, même si Michel Masquelier est modeste et elle réfute le terme, mais vous êtes toutes les deux des héroïnes. Je suis ravi de dialoguer avec vous. Ces femmes qui sont allées au bout de leurs rêves, au bout de leurs ambitions professionnelles, c'était votre cas, hein, partie pour faire de la recherche au pays de Nobel, hein, c'est pas mal. Quelles étaient au départ vos attributions dans le laboratoire qui vous a engagé, Michel Masquelier? En fait, je vais quand même corriger ici, je ne suis pas partie en Suède avec enthousiasme, parce que je voulais vraiment partir en Amérique, mais je me suis dit, ok, c'est pas loin, ce n'est qu'un an, ça ne va pas si vite. Par contre, pour moi, quand je suis arrivée en Suède, ça a été le contraire d'elle, parce que la Suède m'a plu énormément, comme il y a beaucoup de nature, et j'ai eu la chance d'avoir une année ensoleillée, comme il y en a peu souvent en Suède, en fait. Une année merveilleuse. Coup de cœur, donc coup de faute donc pour la Suède. Mais côté boulot, ça s'est passé comment, alors? En fait, là, j'ai eu droit à un stipendium du Karolinska, ce qui m'a permis de faire la recherche, quoi. Et puis, je suis entrée dans le projet de recherche du labo, qui était un peu le traitement, oui, de la leucémie, donc la chimiothérapie de la leucémie. Et j'avais des collègues très compétents. Je me suis plus très fort dans le laboratoire aussi, quoi. Disons que l'expérience qui n'était pas vraiment pour moi, j'y allais pas le cœur très, très heureux, mais l'expérience a été super réussie. Je me suis plu énormément. Et la recherche était intéressante, quoi. Mmh. Vous êtes un petit peu un symbole de la fuite des cerveaux, hein, belge. Est-ce que c'est plus facile de consacrer sa vie à la recherche quand on est en Scandinavie plutôt que dans notre petit royaume? Souvent, quand on fait de la recherche, le problème est le financement. Et si on ne fait pas partie d'un groupe très connu, il est difficile d'obtenir beaucoup d'argent et la recherche coûte très cher, quoi. Donc, je pense que c'est un peu un problème, peut-être même européen. On ne consacre pas assez d'argent à la recherche. Ouais. Ensuite, vous êtes spécialisé dans l'environnement et le dopage, le contrôle antidopage, Michel, c'est exact? Je travaillais en pharmacologie clinique et un des laboratoires, c'était l'antidopage. Et ça m'a intéressé d'essayer. Donc, ça fait 5 ans que je travaille dans l'antidopage. Mais dans le laboratoire, je suis aussi spécialiste de l'environnement parce que tous les laboratoires et tous les industries doivent s'occuper de l'environnement. Et disons que je suis un petit maillon dans la chaîne au niveau de l'environnement. Même mon occupation principale, c'est quand même de m'occuper des analyses d'antidopage, en fait. L'environnement et le sport, on en reparle sur la première en Suède, juste après la pub, ne bougez pas. Ça se passe sur la première. Tout à l'heure à 14h. Le classique du dimanche. Avec Nicolas Blanmont. Vous êtes barbu, vous aimez les barbes ou vous n'aimez pas les barbes. Quoi qu'il en soit, le classique de ce dimanche est fait pour vous. On va parler de barbe bleue, de barbier, de femme à barbe, tout cela dans la musique classique. Le classique du dimanche, de 14h à 15h sur la première, et 24h sur 24 sur rtbf.be/ovio. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Alors chérie, aujourd'hui je te propose de déjeuner à l'hôtel. D'accord. Et puis après on peut aller se décourdir les jambes dans les couloirs de l'hôtel. Ah. Et puis prendre l'air sur la terrasse de la chambre de l'hôtel. Mm. Et alors l'après-midi, on part pour une petite visite des cuisines de l'hôtel. C'est super. Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Moi, j'aime toujours les légumes à la vapeur. Oh, rien de mieux que cuire ces légumes à la vapeur. Ça, on préserve tous les bienfaits. Tu sais, ça, petit? Ah oui, je le sais, monsieur Marc. Surtout que des bienfaits, il y en a plein dans nos bonnes courgettes. Alors, un bon conseil, ne les ratez pas. Elles sont en promo. Oui. D'ailleurs, mettez la vapeur. Allez, hop. Tchou-tchou. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses courgettes sont à seulement 1,59€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Claire était bizarre. Elle ne pouvait plus tenir sa tasse. Des difficultés à parler, sa bouche était déformée. Elle ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe. Lors de mon AVC, chaque minute a compté. Si un de ces signes apparaît, agissez. Appelez sans délai votre médecin traitant ou le 112. Découvrez d'autres témoignages sur délaiavc.eu avec le soutien de la Wallonie et de la COCOF. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Turquie-Croatie, à suivre en direct ce dimanche après-midi sur la 2, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. Gardez votre voix pour The Voice. The Voice revient, les auditions commencent dès ce lundi 13 juin. Et grande nouveauté, vous pourrez aussi inscrire un ami. Rendez-vous sur rtbf.be/The Voice. Les Belges du bout du monde sur la première. Avec Adrien Jouvenot. Avec aujourd'hui Michel Masquelier, une chimiste belge en Suède, et Sissi Olsson, une photographe suédoise installée en Belgique. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. C'était hier le coup d'envoi de l'Euro 2016. Alors la Suède et la Belgique sont dans le même groupe. Elles vont s'affronter dans 10 jours, le 22 juin. Alors ce soir-là, Sissi, vous serez plutôt Diable Rouge ou Viking ? Par principe, je serai Viking, mais en fait, je n'ai rien à foutre. Donc je suis pour le gagnant et pour le plus grand plaisir pour mes enfants qui s'y intéressent un peu plus que moi. D'accord, donc vous supporterez vos enfants qui eux-mêmes vont supporter les Diables Rouges, hein, j'espère en tout cas. Je crois, ouais. Ouais, j'ai l'impression. Et vous, Michel ? Alors moi, j'aime le foot, mais je pense quand même que le foot suédois pour l'instant est dans un creux et qu'à part Zlatan, on n'a pas vraiment de très très bons joueurs. Donc, je supporterai logiquement les Diables Rouges. Ouais, vous allez supporter ceux qui vont gagner, quoi, les Diables. Très, très bon choix, donc, Michel. Ceux qui ont la possibilité de gagner, en fait. Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, vous avez raison. Alors, chaque semaine, on met le doigt aussi sur une initiative, un projet porteur d'espoir et de changement positif. Avec vous, Mariam Allard, aujourd'hui, vous nous parlez de la ville la plus verte d'Europe. Tout à fait, Adrien. Pendant mes recherches, je dois dire que ce qui m'a frappé, c'est le nombre d'initiatives environnementales qu'il y a en Suède. Comment stocker de l'électricité dans du papier, des filtres pour purifier l'environnement, des biomatériaux pour remplacer les batteries de lithium et même des packagings alimentaires biodégradables. Bref, ce ne sont pas les idées qui manquent et ça explique sûrement pourquoi l'une des villes les plus vertes d'Europe est suédoise. Växjö, c'est son nom, je pense. Ouais, c'est très bien prononcé, hein. Parfait. Parfait, oui. Parfait. Ten. Voilà, donc la ville est située en bordure de forêt au sud du pays et elle compte pas moins de 60 000 habitants. Alors qu'est-ce qui la rend si verte, Växjö, Mariam ? Eh bien, la commune a d'abord commencé par le nettoyage des lacs qui entourent la ville dès les années 60. À cette époque, ils avaient été pollués par les industries et l'expansion de la ville. De cette manière, un lac qui était connu pour ses odeurs nauséabondes est devenu un lieu où chacun peut aller se baigner en toute sécurité. Autre chose, en Suède, je ne vous apprends rien, il ne fait pas toujours très chaud. Les Suédois ont donc besoin de se chauffer durant de longs mois. Le carburant et le chauffage sont donc deux ressources importantes. La ville a fait des efforts à ce niveau-là. Elle a promis d'abandonner les hydrocarbures d'ici 2030 et l'objectif était de réduire de moitié les émissions de CO2 avant 2010. Et le pari a été tenu avant 2010 ? Eh oui, mission accomplie, le CO2 de la ville est presque le plus faible d'Europe. Pour réussir ce pari, la ville a misé sur ses forêts et pour le chauffage, toute la ville est alimentée par un réseau et une chaudière centrale. Bien sûr, des bus qui roulent au biogaz local et qui recyclent des déchets alimentaires, c'est aussi un gros plus d'un point de vue environnemental. Les habitants recyclent énormément, ils vont au travail à pied ou à vélo et habitent dans des maisons positives qui produisent plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Évidemment, le modèle n'est pas écologique à 100%, mais il a de bonnes chances de le devenir dans un avenir pas trop éloigné. Et c'est bien dit, ça, je trouve. Des maisons positives, c'est tellement plus beau que des maisons passives. Le terme est bien choisi. Alors, l'environnement, Michel Masquelier, vous qui vivez depuis 33 ans là-bas en Suède, c'est une priorité nationale, hein ? Absolument. Je suis heureuse de vivre ici. Et je pense que mon comportement a changé du tout au tout depuis que j'habite ici, en fait. Et je pense que ça a évolué même avec l'évolution écologique et environnementale en Suède, de toute façon. Mais c'est sûr que c'est une chose importante, quoi. Chaque société, d'ailleurs, a son programme d'environnement. Et vous, vous êtes responsable, dans votre laboratoire, de la politique environnementale de la société qui vous engage, hein, je crois. Exact. En fait, je travaille dans un des plus grands hôpitaux de la région de Stockholm. Et nous avons un programme environnemental obligatoire. D'ailleurs, on répond aux lois qui sont formées. Et on suit ça vraiment de très près, quoi. Oui. Si, quand vous étiez petite à Uppsala ou à Stockholm, vous triez déjà vos déchets. C'était déjà dans les années 70 et 80. Je ne me souviens pas très bien, mais j'ai toujours vu le triage de papier et tout, par rapport à la bouteille, par exemple. Ça aussi, c'est, on récupère de l'argent. Donc, il y a cet incentive de ramener, même les bouteilles plastiques, on les ramène au supermarché, etc. On récupère de l'argent, donc ça motive les gens. C'est très, très peu, hein, mais c'est quand même, c'est un truc dans la colonne vertébrale qu'on fait. Et d'ailleurs, ce que je trouve... pour l'instant, qui me semble débile qu'on ne fasse pas ça ici, c'est qu'il y a un tri. Troisième tri, c'est un compost. Donc si maintenant on commence à regarder au niveau des poubelles ce qui est vraiment compostable, mais c'est la majorité des choses. Hein, si on trie déjà le papier, le plastique. Donc si quelqu'un pouvait aller prendre les composts et les mettre quelque part, on serait... Je pense que c'est important pour le monde entier, en fait. Ouais, ce sont des gestes que vous inculquez à vos enfants qui grandissent ici à Bruxelles? Ouais. Ça, je sens très, très fort aussi. Et que je sens qu'ils sont très forts pour se brosser les dents, qu'ils entendent bench. Et puis, on a l'environnement, évidemment, qu'on mérite. Et en Suède, c'est le paradis pour les amoureux de la nature, Michel. Oui, effectivement. Partout où on vit, on est très, très près de la nature. Chez moi... à un quart d'heure en vélo, je suis au grand lac du Mälaren. J'ai bien sûr un kayak. Je me sers très rarement de ma voiture. Ça me sert vraiment que quand je dois prendre des choses trop pesantes. Sinon, je suis toujours en vélo dans les transports en commun. Je sais que par rapport à mon frère et ma sœur, nous avons une vie très très différente à ce niveau-là. Eux ne prennent quasi jamais les transports en commun. Oui, vous, vous aussi, comment est-ce que vous circulez à Bruxelles? Mais en vélo et en transport en commun. Oui. Ah ben bon exemple. Oui, bon exemple, mais je n'ai pas un permis. De toute façon, c'est plus simple comme ça. Mais je voulais dire que mes parents, ils sont 70 ans maintenant et ils roulent toujours partout en vélo. C'est que pour aller à la maison de campagne quand ils font 2 kilomètres importants ou qu'il faut amener le chien, qu'ils prennent la voiture. Je vous félicite. Et pour vous récompenser, tenez, je vous ai préparé un petit mix de chansons belges, d'artistes belges avec lesquels vous avez collaboré. Parce que vous êtes photographe, on a pu vous voir dans des tas de magazines, je ne me trompe pas, dans Victoire, vous publiez très régulièrement, vous faites des livres. Et les artistes qu'on va entendre maintenant ont été quelque part immortalisés grâce à votre appareil photo. Alors tendez l'oreille, vous allez essayer de les reconnaître. You never gonna make it. C'est Mélanie. Di Biasio, ouais. Ouais, Mélanie Di Biasio, bravo. C'est Marie Varnon. Une chanson sur Bruxelles. Ouais. C'est un bijou, cette chanson. Ouais. Elle vient d'avoir 10 ans. C'est Girls in Hawaii. Très bien. Ouais, bien, pas mal. Et le petit dernier, on va aller au nord du pays, là. C'est Tom Barman qui chante ça avec Little Arithmetic Dudes. Ben moi, je fais mes petits comptes aussi. Hein. Vous avez reconnu les 4 artistes. Marie Warnan, c'est celle peut-être avec laquelle vous avez le plus collaboré. Vous avez sorti une carte créative de Bruxelles ensemble. Oui, en effet. Ça, c'était aussi une histoire de dingue. Marie et moi, on collabore ensemble depuis un moment. Je veux dire, photos, portraits, par rapport à ce qu'elle produit, etc. Et une fois... elle a eu un petit problème de pression de vinyle, donc un événement qu'elle avait fait avait un peu échoué. Donc on a récupéré l'événement en faisant un tour de Bruxelles de 24 heures pour aller faire un clip. Donc moi je suivais caméra vidéo et appareil photo. Et elle jouait toutes les 2 heures dans un endroit différent de Bruxelles. Ça, c'était le Make Love Tour. Donc, on a commencé dans ce, chez maman, le Bate Travelo, et on a terminé 24 heures plus tard à la meilleure jeunesse, en passant par Elvis Pompidou, Jean-Paul Nutt, etc. Et de fil en aiguille, on a décidé de faire une carte Bruxelles. Donc, on a commencé avec les 16-20 endroits qu'on avait fait sur le Make Love Tour, et puis ça a grandi. J'ai l'impression que vous connaissez mieux Bruxelles, Cici Olson, que la plupart d'entre nous en studio, hein, parce que vous avez parlé d'endroits magnifiques. Donc parfois, il faut être, venir de l'extérieur pour voir combien notre capitale est riche. Vous confirmez, Bruxelles, c'est une ville extraordinaire. Hein. Fabuleux, là j'adore. Vraiment, j'étais complètement séduit. Au départ, la première fois qu'un magazine suédois m'a dit « mais il faut faire un reportage sur Bruxelles », j'étais... Pourquoi faire? C'est horrible. Et là, maintenant, j'adore. Je pense que c'est une ville qui se livre moins facilement que, par exemple, Paris ou Stockholm. C'est pas une beauté extrême, accessible comme ça. Mais une fois qu'on fait un petit grattage sur la surface, quand on essaye de trouver quelque chose, on trouve beaucoup. Pour vous récompenser de cette déclaration d'amour et vous remercier aussi, voici un groupe suédois, First Aid Kid. Vous aimez ça, hein? First Aid Kid, j'adore. There's music and there's laughter. I don't know if I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on. My Silver Lining, c'était First Aid Kid sur la première en Suède, avec Michel Mascolier. Bah ça c'est un peu la fuite des cerveaux, hein, les Belges, ils travaillent comme chimiste dans un laboratoire là-bas en Suède. Et puis Cici Olson, qui est photographe suédoise, installée à Boisfort. Les Belges du bout du monde, Adrien Jovenot sur la première. Et je remercie nos invités d'être avec nous pour une dizaine de minutes encore, nos Belges du bout du monde en Suède et à Bruxelles. La Suède, on peut le dire, hein, c'est le pays de la tolérance. Vous êtes sur place depuis 33 ans et chaque jour, vous avez des démonstrations de cette tolérance qui est assez magnifique en Suède, Michel Masquelier. Oui, c'est correct. En fait, c'est quand même un sentiment. Venant de Belgique, je pense que j'ai évolué énormément. Et je pense que la Suède a quand même évolué. La tolérance, je crois que c'est une chose qui se développe et qui s'apprend. Mais maintenant, quand je me compare avec mes frères et sœurs, je sens que je ne vois plus les gens de la même façon. J'ai perdu cette capacité de juger et j'en suis heureuse quelque part. Maintenant, j'accepte les gens comme ils sont. Et je pense que c'est cette grande tolérance de la Suède qui a déteint sur moi et j'en suis vraiment contente. Donner à chacun la possibilité d'être soi-même, quoi. C'est ce qu'on trouve en Suède. Et parfois, ça peut sembler un peu triste parce que pour quelqu'un qui veut sortir du lot, en Suède, on n'existe pas, même si on est différent, je vais dire. Chacun vous accepte et vous permet d'être vous-même dans votre différence. Il y a aussi l'ingérence de l'État, qu'on peut trouver parfois peut-être insupportable, mais qui donne à chacun ses droits et ses revenus. Oui, non. C'est sûr que, étant belge, quand je suis venue ici, j'avais la réaction des Belges. J'essayais d'éviter les taxes et dire finalement je suis mieux que l'État, je sais ce qui est mieux pour moi. Maintenant, j'ai changé énormément aussi à ce niveau-là. Je me rends compte que pour qu'un État respecte aussi les moins privilégiés pour permettre à chacun d'avoir une vie intéressante et viable, il faut accepter le poids des taxes. Et maintenant, je vais dire, je suis même fière de payer mes taxes pour permettre à des gens qui n'ont pas la chance, comme moi, de travailler et de payer des taxes, de pouvoir vivre bien quand même. Ouais. Mais je vais dire, quelque part, ça me fait plaisir, quoi, parce que ça me permet de participer à la collectivité. Ouais, et je suis devenue beaucoup plus sociale qu'avant, en fait. Bien, bien, on change. Est-ce que vous avez changé en arrivant en Belgique, Cici Olsen? Non, je pense que ça reste. Une ouais. fois qu'on a ça un peu dans, comme une valeur de base, qu'il y a le respect pour chacun et qu'il faut être un peu solidaire, c'est difficile à régresser et changer d'avis et devenir intolérant et égoïste. Oui, ben tant mieux finalement, c'est bien. On va jeter un petit coup d'œil sur les perspectives, ce qui attend la Suède, parce qu'on en a beaucoup parlé en rose aujourd'hui, mais les problèmes sont là, même si on a cité ce pays en exemple pour sa démocratie, Sophie Merienne. Oui, tout à fait, pour sa démocratie, pour son système d'aide sociale, ses services publics de qualité. Mais depuis les dernières élections de 2014, ce modèle social semble un peu s'essouffler face à un taux de chômage tout le même élevé, une immigration sans précédent avec le phénomène des réfugiés, eh bien la Suède est en proie à une vague populiste. Elle n'échappe pas à la montée des extrêmes. D'ailleurs, le parti d'extrême droite était la troisième force politique du pays aux élections législatives de 2014. Tout cela bouleverse la stabilité légendaire du système suédois, même si, pour être un peu plus positif, le pays reste un exemple en matière de croissance économique, de technologie, d'éducation ou encore de protection de l'environnement. Et pourvu que ça dure dans ce pays où vous vivez depuis 33 ans, qu'est-ce que vous faites le dimanche, Michel Masquelier? Quand vous n'êtes pas dans votre laboratoire, où allez-vous? Ça dépend de la saison. En hiver, mes activités principales, c'est le patin de randonnée, en fait. Donc, je pars le week-end et avec un groupe et nous faisons 50 kilomètres par jour à peu près en promenade, en patinant dans l'archipel entre les îles ou bien sur le grand lac Mälaren. Et quand la neige a fondu, alors comme maintenant ici à quelques jours du solstice d'été, qu'est-ce que vous faites pour vous défouler? Là, ce sera surtout du vélo, du kayak, des choses comme ça en fait. Mais souvent essayer de... Ou alors de participer. Il y a beaucoup de fêtes. Je suis allée, mais comme il y a en Belgique, j'imagine, je suis allée samedi à la fête de la récupération. Donc, il y a toujours beaucoup de choses à faire. C'est une ville très agréable. Fête du recyclage, fête de la récupération. Et puis, il y aura bientôt la fête le 24 juin. Je crois qu'il y a une grosse fête aussi là-bas. La Midsommar? Oui, c'est la fête de ce qu'ils appellent la Midsommar. En fait, la mi-été. Une fête très très importante pour les Suédois, qui souvent d'ailleurs s'accompagne de mauvais temps, c'est presque associé. on rêve tous d'avoir du bon temps, mais c'est souvent du mauvais temps. Mais d'un autre côté, c'est une fête où toutes les filles sont en blanc avec des couronnes de fleurs. On danse autour d'un mât de cocagne. On danse des chansons un peu ridicules, mais tout le monde s'amuse énormément. Et je vois Cici qui opine du chef. Vous avez les images de votre jeunesse, de votre enfance qui reviennent en tête, hein, Cici. Oui. Mais c'est vraiment la seule chose que je n'ai pas réussi de garder avec mes enfants. Le Midsummer, comme ça tombe toujours autour de 21 juin, c'est l'école ici. Donc eux, ils ont été une seule fois à la Midsummer. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à leur expliquer. Et c'est la même chose avec Santa Lucia, la Sainte Lucie, le 13 décembre. C'est deux choses, pour moi, très importantes que je n'ai pas pu partager avec mes enfants. Par contre, vous allez partager avec vos enfants bientôt un grand voyage. Vous allez retourner dans le pays où votre vie a basculé. Oui, on retourne en Tanzanie, mais c'est à Noël. Hein. D'abord, on retourne en Suède en été. On va faire notre petit 4 mois. Enfin, 4 semaines, pardon. 4 mois, si c'était peut-être le rêve. Oui, c'est ça. Sinon, au niveau professionnel, quels sont vos projets, Cici Olson? Ben là, justement, j'entame un travail pour la maison d'édition Racine. C'est une commande d'un livre qui va s'intituler « Les Bruxelloises » qui sortira en novembre. C'est un livre de portraits d'une centaine de femmes bruxelloises sans s'obliger à l'identité ou la nationalité belge. Donc il faut juste être résident et bien ancré dans la société bruxelloise. D'accord, ben vous pourrez faire le portrait de Maria Mallard ou Sophie Merguez. Non, Mariam, elle est venue de Mons. C'est pas possible. Loin. Mais non, Sophie habite Bruxelles. Hein, Sophie ah habite... Oui, moi depuis toujours. Ben voilà. Voilà. Une jeune journaliste. Oui, ben voilà. Pour okay. Ça, je vais faire là, la photo un peu suédoise avec ses cheveux blondes, strawberry blonde, comme on dit. Strawberry blonde, ah, c'est un beau mot. Ouais. Bien, bien. Ben, écoutez, moi, j'ai vraiment passé un délicieux dimanche matin avec vous. C'était super. Michel Masquelier, bravo, hein, bonne continuation à vous. Des projets encore, j'imagine, toujours? Ah ben, ici, pour l'été, je vais partir à Rio pour... travailler dans le laboratoire d'antidopage. Pour les Jeux Olympiques ? Oui. Ah ben oui, on en parlait il y a quelques jours avec nos Belges sur place, Philippe Noton entre autres et Juliana Neves. Bon travail, bon été et bon dimanche, Michel. Merci, vous aussi. C'est la fin déjà de cette émission, mise en onde par Paul, Michel. Elle reste dispo, hein, l'émission sur rtbf.be/ovio. Merci à vous, Cici Olson. Bye bye. Bye bye, bon avec dimanche. Plaisir, à bientôt. Mariam et Sophie, au revoir. Et dans un instant, Alain Gerlache avec les décodeurs RTBF. Ce sera juste après le journal parlé de 10h. Retrouvez les photos et les vidéos de nos invités via la page Facebook des Belges du bout du monde. Concours la première. Venez faire la fête à Guy Bedos. L'humour est une langue étrangère. Pour certains, il faudrait ajouter des sous-titres. Ce 18 juin, la première et le Théâtre 140 vous convient à une grande fête surprise en l'honneur de l'acteur français. Si on commence à me rendre des hommages comme ça, ça commence à puer le posthume. Et ce n'est pas tout. La première vous offre 2 couverts dans un restaurant et une nuit à l'hôtel à Bruxelles. Pour plus d'infos et participer, lapremière.be. Hey, tu savais que chez Krefel, ils vérifient tous les prix, tous les jours. Et s'il y en a un hors jeu, carton rouge. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Et si vos produits étaient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Découvrez vite tous les avantages de l'e-commerce sur cbcpopupwebshop.be. Voltaren est un médicament au diclofénac. Pas d'utilisation prolongée sans avis médical. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans en cas d'hypersensibilité aux agents anti-inflammatoires non stéroïdiens ou en cas de grossesse. Lire attentivement la notice. Aujourd'hui, on va travailler les doigts. On s'assied à table et on prend le bocal de cornichons. On met les doigts sur le couvercle. On serre bien fort, on tourne à gauche. Il faut qu'il lâche. Bien, maintenant les petits oignons. Retrouvez le plaisir de bouger grâce à Voltaren Emulgel Forte contre les inflammations douloureuses de vos articulations. Une seule application toutes les 12 heures. Soulage votre douleur durablement. Avec le La première ETIAS présente les 15 ans du BSF, du 5 au 14 août, avec Louise Attac, Overphonic, Grand Georges, Abdal Malik, Saint-Germain, La Grande Sophie et plus de 70 autres artistes. We love music, we love Brussels. Info et tickets, bsf.be, avec la Loterie Nationale. Retrouvez les observations et les prévisions météo sur rtbf.be. Quelles que soient les prévisions, les températures sont toujours agréables avec Engie Electrabel. Garde tes jours, s'il te plaît. Moi, j'ai mes jours, toi, t'as tes jours. L'économie du couple, un film de Joachim Lafosse avec Bérénice Bejo et Cédric Kahn. Une plongée intense et sensible dans la vie d'un couple en crise. Dis-moi, tu vas te mettre à chercher quand ? Chercher quoi ? Un appartement. L'économie du couple, un film coproduit par la RTBF, en salle actuellement. Je suis plus amoureuse, c'est tout. Dis Monique, oui. Tu crois pas qu'on a juste un problème de sonnette ? Mais non, mon lapin, non, je ne pense pas. Enfin, ça fait deux semaines qu'on attend, Monique, deux semaines. Oui ? Y'a quelqu'un ? Ouh ! Personne n'a envie d'acheter notre maison ? Un peu de sérieux. Pour vendre ou louer efficacement votre bien par vous-même ou via un professionnel, ImmoWeb est la solution. ImmoWeb, le site immobilier préféré des Belges. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Vivez l'UEFA Euro 2016 au plus proche de l'action. Allemagne, Ukraine, à suivre en direct ce dimanche soir sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. La première. Il est 10h. Et c'est Nathalie Devic qu'on retrouve pour les infos. Bonjour. Bonjour à tous. La fête du football gâchée hier avant le match Angleterre-Russie à l'Euro. Bagarre générale entre des centaines de hooligans dans le Vieux-Port de Marseille. Il y a 35 blessés, dont 4 dans un état grave. Beaucoup de dégâts matériels aussi. Et déjà, les autorités françaises sont accusées de ne pas avoir anticipé le danger. Caroline Posementier, adjointe au maire à Marseille, s'en défend. C'est en 1h30 que la situation a été maîtrisée dans un espace très conscrit, hein, qui était vraiment ce petit espace du centre-ville et du Vieux-Port. Vous avez vu le sang-froid avec lequel ils ont maîtrisé ces groupes que j'appellerais des hordes sauvages, qui se sont imbibés d'alcool à la chaleur dès le début de l'après-midi, qui sont venus pour en découdre. Eh bien écoutez, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Les forces de l'ordre ont maîtrisé, tout a été sous contrôle. Le dispositif, nous savions que le match était à risque. Le préfet de police a mis un dispositif à la hauteur de l'enjeu. Et là maintenant, eh bien, écoutez, c'est auprès des Marseillais, auprès des forces de l'ordre que je suis, pour dire que nous continuerons la fête et que nous reculerons pas. Il ne faut surtout pas se prêter à certaines polémiques. Ce n'est pas le moment. Redressons la tête et nous continuerons l'Euro 2016 à Marseille dans les meilleures conditions. Une interview de nos confrères de France Info. Parmi les autres matchs classés à risque, il y a justement le premier du jour entre la Turquie et la Croatie. Les deux équipes s'étaient déjà affrontées en quart de finale lors de l'Euro 2008. Les Turcs s'était imposé au tir au but après un match épique. Il y aura donc un peu de revanche dans l'air. Cette fois, les Croates ne veulent pas laisser passer leur chance. Ils sont prêts, comme le souligne le capitaine croate Darijo Serna. Nous sommes prêts. Il y a bien sûr du stress. Partout où vous allez dans la ville, il y a des signes du championnat d'Europe. Tous les 10 mètres, il y a des choses qui vous rappellent que vous êtes à l'Euro et votre match. C'est le match d'ouverture de notre groupe. Ce sera un grand match avec deux grandes équipes. L'esprit d'équipe est super. On ne pourra jamais briser ça. Par conséquent, nous sommes prêts. À 15h, nous partirons à la bataille. Turquie-Croatie à suivre en direct sur la RTBF dès 15h. Dans la foulée, on suivra aussi les deux premiers matchs du groupe C. Pologne-Irlande du Nord à 18h et Allemagne-Ukraine à 21h. Côté belge, les Diables Rouges s'apprêtent à changer d'hôtel. Dans une demi-heure, ils quitteront Bordeaux en avion, direction Lyon, où ils s'entraîneront en fin d'après-midi avant d'affronter l'Italie demain soir. La soirée a encore été ponctuée de violents orages. Hier, des orages qui ont à nouveau provoqué des inondations, notamment dans le Brabant flamand, du côté de Halle et Le Saint-Pierre. Les pompiers ont surtout dû intervenir pour des caves sous eau. Dans la région d'Enghien aussi, il a fallu sortir les sacs de sable et secourir un automobiliste coincé dans sa voiture, piégé par la montée des eaux. À Bruxelles, plusieurs tunnels ont également été fermés à la circulation, mais tout est rentré dans l'ordre ce matin. Ce sont principalement les communes Ducle, Ixelles et Forêt qui ont cette fois été touchées. J-12, à 12 jours du référendum sur une éventuelle sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, le débat est de plus en plus tendu. Au Royaume-Uni, les instituts de sondage donnent des estimations divergentes. Le oui et le non sont au coude à coude. Et de l'étranger, les plaidoyers pour un maintien dans l'Union européenne se suivent. Françoise Nice. Cette semaine, Der Spiegel fait sa une avec un « Please don't go ». Et les rédacteurs en chef de l'hebdomadaire allemand écrivent « Si la Grande-Bretagne est intelligente, elle réalisera qu'elle n'est pas une puissance à elle seule et qu'elle perdra beaucoup avec un oui au Brexit le 23 juin et gagnera peu, à part un bref moment de fierté. En Grande-Bretagne, 13 prix Nobel s'alarment, les crédits de recherche pourraient fondre encore davantage en cas de sortie de l'Union. Les travaillistes, eux, ont décidé de mobiliser encore un coup pour le maintien dans l'Union. Matignon. Les sondages donnent des résultats divergents. 50-50 pour les sondages en ligne. 55% en faveur du « on reste » pour les sondages par téléphone. Les bookmakers donnent eux aussi le « on y reste » gagnant. Mais un spécialiste des élections affirme le contraire et la bourse est fébrile. Bref, on ne sait pas. Alors autant s'en remettre à cette brasserie de Leeds. Elle a brassé 3 variantes de bière. La « in », la « out » et la « IDK » pour « I don't know ». Joli coup de pub pour un pub qui indique qu'à ce stade, c'est la « in » qui a le plus de succès à 62%. C'est à voir et à boire d'ici le 23 juin. Mais ce référendum n'a pas gâché la fête à Queen Mum. Des festivités sont organisées tout ce week-end pour les 90 ans de la reine Elisabeth II. Aujourd'hui, street party géante en présence de 10 000 convives. On fait les choses en grand. Et en ce dimanche de fête des pères, vous êtes sûrement nombreux, les enfants, à avoir assailli votre papa au seau du lit pour lui susurrer peut-être ceci. Dans mon petit papa me serre dans ses bras, je lui donne des bisous partout. Quand mon petit papa me serre dans ses bras, je lui... mon cœur s'écrit « Bonne fête, papa chéri !» C'était la divine Capucine pour son petit papa, l'heureux homme, et ses cadeaux pour refermer cette édition. Ça, pas besoin de décoder, Alain, en fait. Hein. On vous resservira bien une petite part de tartorie, si oui, j'ai cru comprendre. Oui, on va en parler. On va aussi parler du Brexit. Merci d'avoir bien amorcé l'émission qui va suivre. Prochaines infos à 11h. Merci, Nathalie. La première. 10h, 11h, le dimanche. Les décodeurs RTBF. Avec Alain Gerlache. Il n'y a pas de complot ourdi contre la tartourie. Déclaration solennelle et inhabituelle d'un ministre au Parlement. Pourquoi ce bad buzz a-t-il pris une telle ampleur ? Loose for Life, c'est la campagne lancée par le Parti Socialiste contre le gouvernement fédéral. Une parodie de Win for Life qui n'a pas plu à la Loterie Nationale. Détournée, est-ce tricher ? Pour ou contre le Brexit, au Royaume-Uni, entre les opposants et les partisans de l'Union européenne, c'est pas de cadeau. Tous les coups médiatiques sont permis. Vous écoutez les décodeurs RTBF, le magazine qui prend le temps de décrypter l'actu du web, des médias et de la communication. Nous sommes en direct sur la première. 10h, 11h, les décodeurs RTBF sur la première. Vous pouvez aussi nous suivre et réagir sur Facebook, les décodeurs RTBF, et sur Twitter avec le compte et le mot-clé LDC RTBF. Il a donc suffi de quelques heures pour que l'affaire enflamme le web, se retrouve à la une des médias et soit aussi longuement évoquée au Parlement. Alors, 3 questions sur les tartories. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce que c'est pour un pays qui veut autoriser le Roundup et qui veut interdire la tartourie? La vie, c'est vrai, c'est pas du gâteau. Une interdiction de conservation à température ambiante est-il à l'ordre du jour? Il s'agit d'un problème d'artisanat local, et il s'agit d'un sujet d'intérêt général et de gastronomie locale et de folklore local. Il n'y a pas de sombre stratégie ourdie quelque part en ce pays pour tenter de porter atteinte, pas plus à la tartourie du pays de Verviers qu'à tout autre produit de tradition en particulier. Alors pourquoi un tel emballement ? Que révèle-t-il de l'opinion des médias et du web ? Eh bien nous en parlons avec nos 3 invités que je salue et remercie déjà pour leur présence. On vous offrira un morceau de tarte à la fin. Frédéric Chardon, journaliste à La Libre. Frédéric Brébant, journaliste à Transcendance et chroniqueur de cette émission bien sûr. Et Jean-Sébastien Wallin, porte-parole de l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, à qui je pose cette première question. Dans un communiqué, votre agence est dite, je cite, « étonnée de constater les accusations dans la presse francophone par rapport à cette soi-disant problématique des tartouries. Pourquoi êtes-vous étonnée ? » Eh bien, le fait d'avoir utilisé le mot « étonné », on aurait très bien pu placer encore des mots plus forts, parce que vraiment, c'était un étonnement à tous les niveaux. On a vu que, d'une part, il y a une déclaration qui est basée sur des informations erronées, et en plus, on reprend dans les médias cette information erronée sans essayer de la vérifier, sans essayer de voir le pourquoi du comment. Et donc, ça se retrouve dans les médias, et de là commence une vague médiatique, je pourrais l'appeler quasi de infernale, alors qu'on est à la base sur de l'information qui est fausse. Et qui vous rend inaudible. Oui, tout à fait. Donc, à partir du moment où cette information est diffusée, le mal est fait. On ne sait plus rattraper ça. Ça se diffuse à une vitesse VV prime, surtout maintenant qu'on est vraiment en utilisation des médias sociaux à tous les niveaux. Mm-hmm. Et donc, les gens prennent l'information, ne la regardent pas spécialement avec un regard hyper critique et la diffusent en pensant qu'on est là vraiment pour supprimer une tartourie, pour s'attaquer aux traditions, alors que c'est pas du tout le cas. Alors Frédéric Chardon, vous êtes journaliste à La Libre, et je dois dire aussi liégeois, hein, parce que c'est une précision utile, vu cette proximité géographique avec Verviers. Je connais parfaitement le produit. Voilà. Et aussi Herve, hein, qui avait fait l'objet d'une polémique antérieure. Est-ce que vous avez été étonné par cette polémique ? Oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai vu la réaction surtout politique de l'opposition, notamment à la Chambre, qui avec des accents churchilliens s'est emparée du dossier de la tartourie devant des députés flamands médusés qui probablement ne connaissaient même pas cette spécialité verviétoise à la base. Mais ça s'explique, à mon sens, par cette occasion géniale pour l'opposition d'essayer de mettre en porte-à-faux le gouvernement fédéral par rapport à un dossier qui touche tout le monde, un dossier de terroir où la logique médiatique est formidable. C'est-à-dire, vous avez un produit du terroir qui semble attaqué par une société de normes hygiénistes, l'AFSCA, le grand méchant loup. Et donc, les députés de l'opposition, pour moi, se sont... On essaie de se payer un peu sur la bête assez facilement en attaquant le gouvernement avec ce prisme. Mais là, en faisant semblant, finalement, de croire que la tartourie allait vraiment être supprimée. Alors qu'ils savaient très bien qu'elle n'allait pas être supprimée. Tout le monde le savait, en fait. Oui, enfin, ça, bon, on est quand même habitué à ce qu'on gomme dans le discours politique, les choses qui dérangent un peu. Frédéric Brébant, vous êtes un spécialiste de la pub, mais aussi, évidemment, de la mauvaise pub. Hein, ici, en l'occurrence, un bad buzz. On voit que tout repose quand même sur l'emballement de l'opinion. Il y a un article que l'on peut critiquer comme le fait l'AFSCA, mais ça démarre quand même dans l'opinion très fort, et notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est clair qu'on vit une époque où on ne maîtrise plus l'information, du moins de manière immédiate. Donc je comprends l'étonnement de l'AFSCA dans ce dossier, parce que le bad buzz, comme on dit, c'est très vite répandu. Moi, je m'étonne un peu que l'AFSCA ne soit pas plus vite montée au créneau. Peut-être l'a-t-elle fait, n'a-t-elle pas été entendue. Donc je m'étonne de lire que le communiqué soit arrivé si tard, entre guillemets. Donc là, j'aimerais un peu de précision de la part de l'AFSCA, parce que j'ai l'impression qu'au niveau de communication, au niveau de la communication pure, je suppose que l'AFSCA ne travaille pas avec une agence de communication, hein, vous faites tout en interne, et ça se sent un peu. Je ne parlerai pas d'amateurisme, je ne veux pas ici faire un mauvais procès, mais je m'étonne que la réaction n'ait pas été plus virulente, plus visible de la part de l'AFSCA, et que la dimension communautaire que souligne Frédéric Chardon ait pris le pas sur la véritable information. On a véritablement le sentiment que c'était du pain béni pour l'opposition et les partis wallons par rapport à une agence qui est, je le rappelle, fédérale. Alors, ce sont des interpellations pour vous, Jean-Sébastien Wallin. On peut quand même rappeler que l'AFSCA, elle est née de la crise de la dioxine, la fin des années 90. À l'époque, elle avait été très très bien accueillie, elle protégeait la population, et maintenant on a une sorte de retournement d'image qui vous fait apparaître un peu comme les méchants qui vont s'attaquer à nos traditions, à notre identité. Hein. Peut-être que maintenant l'aspect identitaire joue aussi là-dedans, ce serait aussi à décoder. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez un problème de communication globale, au-delà de cette affaire ? Nous, personnellement, on ne voit pas un problème de communication chez nous, mais on sait qu'il y a des sujets qui sont très sensibles, et comme vous le dites si bien, on est quasiment de l'ordre de l'identitaire. Les gens s'identifient à certains produits. Et à partir du moment où certaines informations non vérifiées paraissent dans les médias, et qu'on voit, on fait penser que l'agence s'attaque à des produits traditionnels comme le fromage de Herve, comme la tarte au riz, alors que, évidemment, ce n'est pas du tout le cas, eh bien, oui, on s'étonne à ce niveau-là. Mais maintenant, on sait que c'est des sujets sensibles. Donc, par rapport à cette thématique, ce bad buzz tartourie, il y a un premier article qui est paru dans la presse et on l'a analysé. Et on s'est dit, on savait que le sujet était sensible et on s'est dit que mettre de l'huile sur le feu ne servait à rien, étant donné que c'était un journal local basé sur une information qui n'était pas vérifiée. On a pensé que c'était... plus, que ce serait circonscrit à ce qui est local, c'est ça. Voilà, et le lendemain, on a bien vu qu'il y avait un emballement médiatique qui démarrait, et à ce moment-là, on a directement réagi. Mais parce que... Donc vous avez perdu 24 heures, entre guillemets. Voilà. Et puis, c'est ce qu'on appelle dans la presse, Frédéric, une good story, une belle histoire. Oui, c'est formidable. Donc je précise que ce n'était pas du tout dans la Libre Belgique. Nous, on avait bien compris qu'il n'y a pas de problème avec l'artère tourique, elle allait rester. Mm-hmm. Oui, forcément, c'est tellement génial pour des journalistes, bon, par exemple de presse locale, d'aller gonfler une information, de dire, regardez, votre quotidien va changer, votre tartourie que vous adoriez manger à température ambiante, peut-être qu'il faudra la manger froide parce que votre boulanger ne pourra plus l'entreposer à température ambiante dans sa pâtisserie. Enfin, c'est vraiment tellement génial d'opposer ce produit de terroir local à nouveau ce grand méchant loup, l'AFSCA, qui appliquerait des normes qui correspondent à l'industrie agroalimentaire, à des petits artisans. À propos de l'emballement politique aussi, on a reçu ce matin un message d'un auditeur qui dit « Ce buzz sur le net, c'est aussi une manière de communiquer avec le monde politique qui est souvent sourd à nos courriers et interventions. Le buzz, c'est un passage obligé pour faire bouger les lignes politiques. » C'est assez intéressant comme réflexion. Oui, ben voilà, c'est le citoyen qui se réapproprie le message politique, le dialogue avec les élus via les réseaux sociaux. Je crois que c'est quand même une dimension, je dirais pas neuve, elle a quelques années maintenant, mais elle a pris une ampleur incroyable. Et mais les citoyens peuvent l'utiliser consciemment. Ce n'est pas simplement de l'indignation, mais c'est un calcul médiatique qu'ils exactement. Font. Et ici, les derniers dossiers avec l'AFSCA, alors c'est clair que j'ai un peu le sentiment que l'AFSCA se sent mal aimé des médias, et peut-être à juste titre, hein, peut-être, j'ai été voir sur votre page Facebook et vos réactions par rapport aux internautes, où vous dites clairement, les médias, entre guillemets, ne font pas bien leur travail, et se mais focalisent... Non, on ne fait pas de généralité. Voilà, mais on se focalise davantage sur ce qui ne va pas, et ce qui va, on n'en parle pas. Pourquoi vous ne faites mais pas plus de communication sur ce qui va ? Qu'est-ce que vous leur conseilleriez, finalement ? Parce que c'est ça la question sur laquelle on va conclure, c'est est-ce que vous allez faire évoluer votre communication pour vous rendre finalement plus accepté ou aimé par une population que vous êtes censé défendre, parce que vous êtes normalement au service de la population. En effet, nous restons au service de la population et au service également des opérateurs. Alors, au niveau de la communication, tout comme dans les processus généraux à l'agence, il y a toujours une évolution. Nous recherchons la constructivité, on veut s'améliorer en permanence. Maintenant, c'est sûr qu'on communique sur les choses positives, sur les actions qu'on mène, on a une politique de transparence et d'ouverture très développée. C'est sûr que... l'impact d'une communication de l'agence n'est pas le même que l'impact d'une communication d'un média. Le média touche beaucoup plus le citoyen et c'est là que nous, on est un peu démunis face à ça. Si on avait les médias qui pouvaient relayer certaines informations positives des contrôles de l'agence, oui, ce serait beaucoup plus facile. Le relais par les médias, c'est ce que disait aussi à l'époque Elio Di Rupo quand il estimait que la communication sur le PS n'était pas excellente. Frédéric. Oui, je crois que ce qui a porté un peu préjudice aussi à l'AFSCA dans les derniers dossiers, bon, il y a eu le fromage de Hervé à la tartourie, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle l'économie collaborative, les fameux menus Nextdoor où les citoyens, donc des individus, font à manger pour d'autres citoyens et commercialisent cette activité économique et se disent « Tiens, je fais des repas pour 15-20 personnes et l'AFSCA me menace, vient m'embêter alors qu'effectivement je gagne peut-être un peu d'argent. » Et le citoyen se dit peut-être « Tiens, si demain je fais un barbecue dans mon jardin pour 40 personnes, est-ce que l'AFSCA va aussi débarquer ?» Oui, voilà. Alors brièvement. Oui, vous utilisez le mot « menace ». Là déjà, je m'interpelle parce qu'on est en communication, on est au niveau des médias et on parle de menace. Il y a nullement une menace qui pèse sur ces nouveaux restaurateurs. Mais je parlais avec quelqu'un par hasard hier qui me disait « Oui, menu Nextdoor, ma voisine libanaise cuisine... » en moyenne 100 repas à chaque fois qu'elle a une activité sur la plateforme Uninexor. À partir de ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on devrait contrôler des restaurateurs qui respectent les règles et ne pas contrôler ce type de personnes? Alors, on entre dans un autre débat. On a bien compris que vous réfléchissez à votre communication. Je note aussi un tweet de Jean-Nicolas qui dit que le problème, c'est peut-être plus le fait que des journalistes ne vérifient pas toutes leurs infos, peut-être plus que l'emballement du public. On peut, en effet, n'est-ce pas, Frédéric, s'interroger. On retient, en tout cas, que vous allez tenir compte de ceci et essayer d'améliorer les choses comme on essaie de le faire au quotidien, parce que la communication, c'est surtout une affaire de quotidien. Jean-Sébastien Wallin, merci donc. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'AFSCA, l'Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. Merci. Et nos deux Frédéric, eh bien, ils restent avec nous pour le sujet suivant. Encore une polémique qui oppose cette fois la Loterie Nationale et le Parti Socialiste en cause Lose for Life, une parodie du jeu Win for Life qui dénonce les mesures du gouvernement de Charles Michel. Le gouvernement MRNV à présent... Lose for Life, le ticket perdant. Grattez et découvrez ce que le gouvernement Michel vous fait perdre. Lose for Life. Lose... Il remet en cause la semaine des 38 heures. Il vous prive d'une indexation de votre salaire. Il augmente la TVA sur l'électricité et supprime la pension à 65 ans. Ne jouons pas avec nos acquis sociaux. Mobilisons-nous. Voilà, avec le petit clin d'œil de notre réalisateur Jonathan Remy à Iggy Pop hein, et son Lust for Life. Au fait, il aurait pu peut-être aussi faire un procès à la Loterie Nationale quand elle a lancé le Win for Life. Frédéric Chardon, c'est vous qui avez sorti cette affaire dans la Libre. En quoi est-ce que ça vous a semblé intéressant? C'est vraiment amusant parce qu'on a vu le télescopage entre une logique politique du Parti Socialiste qui se dit de bonne foi, je vais faire ma petite campagne de marketing politique, je vais détourner le produit Win for Life de la Loterie, tout le monde connaît, je vais le transformé en Lose for Life pour attaquer le gouvernement fédéral. Et puis finalement, ça se retourne contre eux de manière un peu étonnante. Tout d'un coup, la Loterie Nationale envoie un courrier assez violent, que j'avais pu consulter il y a quelques jours, pour dire, mais attendez, propriété intellectuelle, vous n'avez pas le droit, vous PS, de détourner mon produit phare de la Loterie pour attaquer le gouvernement fédéral. C'est très mal. Donc je vous mets en demeure de stopper net votre campagne médiatique. Alors le PS a répondu dans un autre courrier que j'avais pu aussi consulter, en disant, moi, pas du tout, c'est la liberté d'expression. N'importe quel citoyen, n'importe quel parti, a le droit de détourner ça pour critiquer le gouvernement fédéral, par exemple. Alors, effectivement, le PS n'en a rien fait. Il a maintenu sa campagne, il a maintenu la vidéo qui est toujours en ligne sur YouTube, je pense. Mais la Loterie, elle n'en démord pas. Je pense qu'il y a peut-être une procédure avec un avocat à la clé dans les prochains jours. En tout cas, plus personne ne s'exprime. Hein. Plus personne ne veut s'exprimer publiquement sur cette affaire, ce qui ne nous empêche pas évidemment d'en parler, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le PS ne veut pas parler, c'est alors, ça que vous dites. Est-ce que c'est une bonne campagne selon vous, Fred? Alors, au niveau de la réalisation, au niveau de la forme, elle est amusante, elle est bien faite. Hein. On sent qu'il y a quand même un professionnalisme du PS. On avait d'ailleurs parlé ici, à ce même micro, il y a quelques semaines, de la fameuse guerre des pubs sur le tax shift, vous vous souvenez, sur Twitter. Donc le PS est un peu expert dans l'art de la récupération publicitaire. Hein. Je rappelle que ce n'est pas la première fois qu'ils font ça. L'année passée, le PS avait récupéré le match France-Belgique et s'était fait rappeler à l'ordre par l'Union Belge de Football parce qu'ils avaient utilisé le titre « Tous avec les rouges pour battre les bleus ». Donc effectivement, là, ce n'était pas une pub, c'était plutôt un événement. Mais est-ce qu'on peut encore rigoler? Oui, moi je pense qu'on peut Oui, mais rigoler, bon, effectivement. Mais pas pour l'Union Belge et pas pour non, pour la moi ça me dérange pas. Je trouve que la caricature est de bonne guerre. Ça fait partie de la liberté d'expression. Ce qui me dérange plus, c'est la systématisation faite par le PS de récupération de tout événement. Nelson Mandela meurt, on va faire un beau post, un beau tweet sur Facebook aussi pour dire que on partage les valeurs de Nelson Mandela. C'est la journée des droits de l'homme, on va récupérer le message d'Amnesty International. C'est ça qui est fatigant un peu avec le PS, c'est cet art de la récupération qui est excellent dans la forme, mais sur le fond qui devient un peu pénible à la fin. Frédéric Chardon ? Mais oui, moi je trouve que la Loterie a été un peu tatillonne sur ce sujet-là. Ça m'a étonné également, cette rapidité de réaction. Est-ce que ce n'est pas lié au fait que la Loterie Nationale est une institution qui, comme son nom le dit, nationale. On connaît la pression autour des institutions belges. Est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas donner prise à ceux qui, par exemple, en Flandre, trouveraient qu'on a été trop gentil avec le Parti Socialiste ? Oui, alors vous mettez le doigt sur quelque chose que j'allais aborder, mais qui est plus de l'ordre de l'analyse politique. Qui est à la tête de la Loterie Nationale ? C'est Yanni Haak, ancien chef de cabinet de SPA, socialiste flamand, ancien chef de cabinet de Johan van der Lanhout, la bête du SPA. On l'a recasé, après quelques années passées à la tête de la SNCB Holding, on l'a recasé in extremis à la fin du dernier gouvernement d'Yves Rupeau, à la tête de la Loterie Nationale. Voilà donc un socialiste flamand à la tête d'une société publique fédérale, avec la nouvelle majorité qui est en place. Il y a dedans la NVA, je le rappelle. Évidemment, et il y a pas Niak, le SPA. Et pas le SPA, pas le SPA. Alors, Yann Niak, évidemment, il se sent légèrement menacé, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc je pense, mais ça c'est une interprétation de ma part, je pense qu'il a voulu quand même casser un peu le PS pour donner un gage de bonne conduite vis-à-vis de son conseil d'administration, qui est quand même fort suédois, si vous voyez ce que je veux dire. Certains ont une autre lecture encore plus perverse, étant donné que dans la grande famille socialiste, on pourrait imaginer que la campagne du PS est passée un petit peu inaperçue, même si elle est très bien faite. Elle était organisée au départ pour la manifestation du 24 mai. Hein. Voilà, et qu'on pourrait imaginer que ça soit une espèce de solidarité socialiste inter-frontière linguistique, et de donner un nouveau coup d'éclairage à cette campagne en portant plainte et en la remettant au goût du jour sous les feux médiatiques. On se perd en conjectures, mais ce qui est intéressant, et on pourrait conclure par là, c'est que les détournements, ça existe dans la pub. Évidemment, les entreprises, des tas d'autres le font aussi, et ça ne donne pas toujours suite. Non. Ce sont des questions d'appréciation. Voilà, je rappellerai aussi qu'il y a presque 30 ans, le PS, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une campagne de spa où on voyait un homme nu qui c'était « Mets ton corps en vacances », et le PS avait récupéré en 87, on va vous le mettre d'ailleurs sur Twitter, « Mets ton gouvernement en vacances », c'était une caricature de Martens, et c'était à la place du logo spa, l'eau, donc c'était PS, Parti Socialiste, c'était une campagne qui était très bien faite pour vous dire que ce n'est pas nouveau, le PS excelle dans ce genre de pratique, et moi je trouve que c'est plutôt de bonne guerre dans la conjoncture démocratique. Et dernière question pour vous, Frédéric Chardon. Toutes ces détournements, toutes ces pubs, notamment sur Internet, c'est ce qui met quand même un petit peu d'humour dans un débat politique qui est quand même parfois un peu sinistre. Oui, et qui permet surtout de faire passer un message de manière simple et de manière amusante. C'est une technique médiatique tout à fait classique. Je suppose, évidemment, vous imaginez bien, on ne va pas expliquer toute la perversité du point de vue PS, du tax shift est beaucoup trop complexe. Donc effectivement, une petite vidéo bien sentie, rigolote, qui fait appel à quelque chose qu'on connaît, en l'occurrence le Win for Life, c'est génial, ça marche toujours. Eh bien, merci à vous deux. On voit, on a distribué pas mal de tartes dans le monde de la com cette semaine. Par les gaufres qui avant s'appelaient les gaufres au sucre. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont eu peur d'un problème qu'ils se sont appelés simplement les gaufres. En tout cas, on félicite notre auditeur Pierre qui a trouvé une chanson où on parle de tartourie. Nous allons retrouver notre ami Gilles Quastio de retour de Californie où il a visité des entreprises high-tech avec des étoiles plein les yeux. Eh bien, pas vraiment. Bonjour Gilles. Bonjour Alain. Vous rentrez d'un voyage de presse aux États-Unis et vous avez notamment eu l'occasion de visiter les installations de Google et de Tesla. C'est l'occasion de parler de la manière dont ils communiquent vis-à-vis des médias. On commence par Google, c'est une des plus grandes entreprises du monde. Et quand on visite finalement, qu'est-ce qu'on voit de Google? Alors c'est assez étonnant parce que voilà, on était effectivement avec un groupe de journalistes, une quinzaine de journalistes, et qu'est-ce que Google veut montrer aux journalistes internationaux et européens qui étaient présents? C'est essentiellement un tour des cafétarias, je veux dire. Alors on a vu beaucoup de cafétarias où ils servent effectivement à manger, c'est assez incroyable, et on a vu aussi les machines à café, bien entendu l'endroit où ils se délassent, où ils font un petit peu de tennis de table, où ils ont accès à des flippers, donc voilà, c'est une façon de montrer que c'est une entreprise où on est cool, où on soigne le bien-être des travailleurs, c'est ça? Voilà, je pense que c'est un petit peu ça. Ils axent vraiment leur communication sur les employés, le bien-être des employés. Tout le monde est heureux, entre guillemets, sur la planète Google. Tout le monde a accès à un vélo. Je pense que c'est des images que beaucoup de gens ont déjà vues. Le campus, comme ils appellent ça, un campus. Mais c'est évidemment... Oui, c'est un côté universitaire. Bien aussi, sûr, oui. Des bureaux. Tout le monde n'est pas en train de se prélasser à longueur de journée. Mais par contre, on ne voit pas du tout les bureaux, donc aucun accès aux locaux où se passe réellement le business. À votre avis, pourquoi ? Alors pourquoi ? Il y a une certaine culture du secret, malgré tout, du côté de Google, et puis une stratégie marketing, une stratégie de communication qui est plus axée sur une sorte de côté start-up, je dirais. Donc on essaye de montrer finalement qu'on est une entreprise cool, qu'on soigne ses employés, qu'on leur donne accès à des conférences sur le yoga, La multinationale qui fait semblant d'être une petite PME ? Voilà, il y a vraiment un décalage entre ce discours et la réalité de Google. Il faut quand même rappeler que c'est une énorme entreprise qui a réalisé 75 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2015. Donc forcément, cet argent, il est créé grâce à des employés qui planchent sur des produits et essentiellement grâce aux revenus publicitaires que génère Google. Mais justement, Google ne s'adresse pas directement aux consommateurs. Google essaie surtout d'attirer les entreprises qui vont pouvoir faire de la publicité, utiliser ses services et quelque part rentabiliser toute son activité. Voilà, je dirais qu'on peut vraiment faire une différence entre les deux visites que j'ai faites, donc une chez Google et une autre chez Tesla, qui est ce constructeur automobile spécialisé dans la voiture électrique, aujourd'hui assez orienté luxe. C'est que du côté de Tesla, eh bien, on vend un produit qui est cette voiture, et donc la démarche marketing va être un petit peu différente, elle va vraiment être orientée client. Donc quand on montre les installations aux journalistes, c'est pour montrer le produit et comment on arrive évidemment à créer un constructeur automobile de toutes pièces. Et donc il nous montre là plus les installations et la manière de concevoir ces voitures. Par contre, du côté de Google, comme vous le disiez, il n'y a pas vraiment cette démarche vis-à-vis du client, puisque l'utilisateur, vous et moi qui utilisons les services de Google, notamment son moteur de recherche, on n'est pas réellement des clients de cette entreprise, puisque ce sont des services qui sont gratuits. Par contre, les clients de Google, c'est qui ? Bien, ce sont des entreprises, des marques qui vont faire de la publicité sur les surfaces, sur les plateformes de Google. Et donc, la démarche, elle est plus côté entreprise, du côté de Google, tandis que du côté d'une marque comme Tesla, elle est vraiment orientée consommateur, alors peut-être un petit peu plus ouverte aussi. C'est aussi une marque qui est un petit peu plus jeune, Tesla. Oui. Alors justement, venons-en à Tesla, qu'on connaît quand même un peu moins que Google. Hein. Tout le monde, ou presque, utilise Google. Il y a quand même beaucoup moins de monde qui ont une Tesla. Vous le disiez, c'est une entreprise qui est finalement très récente. Alors c'est vrai que c'est le dernier constructeur automobile qui s'est lancé. Il y a eu d'autres essais préalablement, mais qui se sont soldés par des échecs. Donc véritablement, Tesla s'est lancé il y a quelques années seulement et a réussi à grandir très très vite. Alors c'est une boîte qui est orientée vraiment sur le côté technologique, sur le logiciel. Et l'innovation. Et vraiment sur l'innovation. Ils ont créé surtout cette société au départ du web, puisque le fondateur c'est Elon Musk, qui est un spécialiste. Qui commence quand même à être connu maintenant. Parce qu'il lance énormément de produits et d'idées qui sont assez novatrices, comme l'Hyperloop, qui est ce train à très haute vitesse, ou encore le SpaceX, qui va lancer des navettes spatiales dans l'atmosphère. Donc là, on est sur une société qui est évidemment hyper technologique et hyper orientée client-consommateur. En fait, il y a une rupture fondamentale. La plupart des constructeurs remontent au 20e, parfois même au 19e siècle, et ils se sont adaptés successivement. Tesla construit des automobiles qui ont été conçus après que la révolution numérique ait commencé. C'est une rupture fondamentale. Voilà, alors si on reparle justement de leur communication, eux, ils parlent plutôt d'une sorte de logiciel roulant, plutôt que d'une voiture qui sera équipée d'électronique. Donc on voit que c'est vrai que la priorité, elle a été mise dès le départ sur le logiciel, qui équipe toutes les voitures, toute la flotte de voitures, et qui est mis à jour quasiment continuellement, comme votre smartphone finalement, qui vous demande tous les mois ou toutes les deux semaines, si vous acceptez une nouvelle mise à jour, eh bien... Chez Tesla, ils vont faire la même chose avec toutes leurs voitures. Donc, du jour au lendemain, il y a quelques mois, eh bien, tous les conducteurs ont eu accès à ce fameux pilote automatique dont je vous parlais tout à l'heure. Et en attendant, ce qu'on peut constater aussi, c'est que finalement, cette nouvelle industrie américaine ne produit pas que des logiciels ou des produits intellectuels, mais qu'il y a une véritable réindustrialisation avec la production de biens de consommation que l'on peut toucher matériel finalement. Voilà, c'est vrai que c'est tout à fait étonnant. On ne s'y attendait pas du tout il y a quelques années, en fait. Absolument pas, et je pense que là-bas aux États-Unis non plus, ils ne s'y attendaient pas. Tesla, l'usine que j'ai visitée, c'est dans la banlieue de San Francisco, le cœur de la Silicon Valley quand même. C'est un nouveau constructeur automobile qui s'est créé avec une usine absolument énorme qui fait 500 000 m², qui a une heure de la ville. Et il y a véritablement cette réindustrialisation qui est en marche via notamment ce type d'acteurs. Il faut savoir que cette usine, c'est une usine qui a été rachetée à General Motors, donc un des anciens constructeurs automobiles, un des plus anciens. Et qui est, même géographiquement, diamétralement opposé à Détroit et au siège traditionnel de l'industrie automobile américaine. Merci Gilles, c'était bien intéressant ce petit voyage et le récit que vous nous en avez fait. Et après la pub, eh bien, on va parler bons sentiments. Jusqu'à 11h, les décodeurs RTBF sur la première. La première présente La Nuit des Cœurs 2016. Ces 26 et 27 août, découvrez le concert promenade féerique dans les prestigieuses ruines de l'abbaye de Villers-la-Ville. Chaque soir, 6 ensembles vocaux de prestige chantent pour vous. Info, nuitdescoeurs.be. Avec l'Avenir, Télépro, la Loterie Nationale et le CGT. On ne devrait pas passer ses vacances à chercher du Wi-Fi. Qui veut voir mes photos de vacances? Bon, alors ici, c'est Brian au cybercafé. Là, c'est Brian au fast-food. Wow. Alors là, c'est... Ah, ben c'est Brian dans les couloirs de l'hôtel. Oh. Et là, c'est Brian sur la terrasse de l'hôtel. Alors là... Avec Orange, ne cherchez plus de Wi-Fi. Appel, SMS et surf en Europe au même prix qu'en Belgique. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions et activation sur orange.be. Promo valable jusqu'au 31 août inclus. Retrouvez votre météo au 0900 277 70 50 cents l'appel. Soleil ou vent, vivons mieux l'énergie avec Engie Electrabel. Avec nous, l'euro est bleu, blanc, diable. Après 16 ans de patience, voici le moment que tous les Belges ont tant attendu. Belgique-Italie, le premier grand choc à suivre en direct sur la Une, Vivacité et sur rtbf.be/ovio. Enflammez le supporter qui est en vous. 10h, 11h. Les décodeurs RTBF sur la première. Bientôt 10h35, nous sommes en direct sur la première. On vous retrouve, Frédéric Brébant, cette fois pour la séquence Tendance Pub. Et on va évoquer deux campagnes qui se télescopent un peu. Hein. Deux campagnes qui encouragent les gens à aller les uns vers les autres, vers l'inconnu. L'une est citoyenne, l'autre est commerciale. Et on commence avec la première qui se veut simple comme bonjour. Bonjour, effectivement. Il s'agit d'une campagne apolitique, hein, citoyenne, non commerciale. Elle a été officiellement lancée il y a quelques jours, le 7 juin, par une cinquantaine de partenaires. Il y a des entreprises privées, des organismes publics, des associations, des médias. La campagne, c'est « Dites-moi bonjour ». L'idée, c'est de retisser du lien social entre les individus. C'est vrai qu'on vit dans un monde assez paradoxal. Hein. Chacun est connecté à la planète entière via les réseaux sociaux. On se parle via écran interposé. Mais dans la vraie vie, on a peur de l'autre. Il faut bien le reconnaître. On se méfie d'emblée d'une personne qu'on ne connaît pas. Et ce climat de suspicion généralisée n'a fait qu'amplifier avec la crise des réfugiés et encore plus avec les attentats. Donc l'idée ici de cette campagne, c'est de stopper cette spirale négative de la méfiance permanente. Donc de briser la glace, d'insuffler une nouvelle convivialité en rue. Et ça commence par quoi? Tout simplement par se dire bonjour, même à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors l'idée est très noble, hein, mais concrètement, que prônent les concepteurs de cette nouvelle campagne? Bien, c'est d'inciter les gens à rentrer dans le cœur du sujet, donc de les inviter à dire bonjour vraiment à des inconnus en rue, et puis ensuite de faire un selfie avec les inconnus auxquels ils parlent, et ensuite de partager cette photo sur les réseaux sociaux avec le hashtag, le mot-clé « Dites-moi bonjour ». Les réseaux sociaux, paradoxalement, sont au cœur de la stratégie de campagne. Les concepteurs de l'action invitent d'ailleurs les internautes à remplacer leurs photos de profil sur Facebook ou sur Twitter par le logo de l'action. Le logo, c'est une main qui sourit. Bref, l'objectif, c'est de répandre le message, d'apprendre aux gens à se dire à nouveau bonjour en rue, même quand ils ne se connaissent pas. Car ce fameux « dites-moi bonjour » peut être, aux yeux des partenaires de l'action, donc le début de quelque chose, le début d'un sourire, d'une confiance retrouvée. Et cela peut, pourquoi pas, relancer une économie, triste ou nette. La FEB, la Fédération des entreprises de Belgique, est d'ailleurs partenaire. Et à l'origine du mouvement, c'est d'ailleurs une agence de pub, BBDO, qui a lancé l'idée pour redonner un peu de vigueur à un climat social qu'elle trouvait délétère. Mais est-ce que ça ne risque quand même pas d'être un peu éphémère, hein, un peu comme la campagne Sprout to be Brussels, par exemple? Oui, il y a évidemment un risque, et c'est vrai que l'on a vu ces dernières semaines des campagnes se multiplier pour redorer l'image de Bruxelles, mais l'initiative ici se veut quand même un peu différente. Ce n'est pas une campagne pour sauver une ville en particulier, mais plutôt un climat social en général. Les concepteurs veulent travailler de façon structurelle, de façon nationale aussi, tant au nord qu'au sud du pays. Et la campagne est appelée à durer. Il y aura des affiches, des badges, des films qui seront diffusés sur les écrans géants pendant les festivals de musique, par exemple. Et donc l'idée, c'est quand même de durer, d'instaurer à nouveau ce bonjour entre tous, pas seulement qu'à Bruxelles, mais dans d'autres villes et dans tout le pays. Et puis on l'a dit, il y a une autre campagne, plus commerciale cette fois, on Nous, on a aussi vu cette campagne fleurir sur les réseaux sociaux. Et là, on voit des gens qui entrent en contact les uns avec les autres, mais de manière un peu forcée. Oui, oui, voilà. C'est un spot assez mignon que l'on va vous poster sur Twitter, qui affiche 250 000 vues sur YouTube. Je vous donne le pitch. On voit des enfants, des petits-enfants, derrière un écran, et on comprend très vite qu'ils donnent des instructions à des adultes en pleine rue. Ces adultes ont une oreillette, et ils obéissent donc aux gentils ordres des enfants. Ils sont même invités à entrer en contact avec des inconnus et à répéter des phrases soufflées par les enfants. Alors vous l'imaginez, cela donne des scènes un peu surréalistes. Hein. On voit par exemple une jeune fille s'asseoir à la table d'un vieux monsieur à la terrasse d'un café et elle lui dit des choses du genre, donc soufflées par les enfants, « Vous ressemblez à ma grand-mère ». Et elle lui pose des questions du style « Allez-vous mourir bientôt ? J'espère que non ». Donc les personnes qui sont entre guillemets prises au piège sont, vous l'imaginez, déstabilisées parce que justement elles ne sont pas habituées à ce qu'un inconnu leur dise bonjour et leur pose surtout ce genre de questions. Bref, le spot dure 2 minutes 28, il est mignon tout plein, mais beaucoup moins finalement que l'action « Dites-moi bonjour » parce que, effectivement, vous l'aurez compris, la démarche ici est loin d'être innocente, elle est commerciale, elle est signée Mentos, la célèbre marque de bonbons, et à la fin de toutes les petites scénettes que l'on voit, la personne qui est guidée par les enfants finit toujours par tendre un Mentos à l'inconnu qu'elle a abordé dans la rue. Donc oui, il s'agit de deux campagnes totalement différentes, mais qui, étrangement, la même semaine, jouent toutes les deux sur les mêmes codes du mieux vivre ensemble, et c'est ça que je voulais souligner. How touching, comme on dit à Londres. Merci Frédéric, je ne vous dis pas bonjour, mais au revoir. Au revoir et à la semaine prochaine. Nous allons franchir la Manche maintenant. On veut être seul. On veut pouvoir dire aux gens, on ne veut pas de vous ici. On a perdu notre démocratie aussi. La bureaucratie, c'est de la foutaise. Tout ce qu'on fait dans ce pays aujourd'hui est dicté par Bruxelles. Et on n'aime pas ça. La campagne pour ou contre le Brexit est entrée dans sa dernière ligne droite et on commence vraiment à en parler dans les médias du continent, comme on dit là-bas. C'est donc l'occasion de faire le point sur la campagne, dans les médias, sur le web, les réunions publiques, les événements qui sont organisés par les uns et les autres. Et nous verrons aussi l'impact que cette campagne et le résultat du scrutin peuvent avoir sur l'image de l'Union européenne et aussi sur la question nationale dans les autres pays membres, dont la Belgique. Alors notre panel d'invités, Amandine Alexandre, notre correspondante à Londres. En studio avec nous, Ludovic Lamant, vous êtes le correspondant de Mediapart qui suit les affaires européennes et donc le Brexit. Vous irez bientôt en reportage d'ailleurs dans le Pays de Galles, vous allez nous en parler, c'est un angle original. Et puis aussi avec nous Dave Sinardet, politologue à la VUB Saint-Louis. Vous m'avez confié que vous veillez parfois un peu tard pour suivre les débats à la BBC et ça vous intéresse d'autant plus que les questions de fédéralisme et la question nationale, eh bien ça vous intéresse beaucoup, on le sait. Mais d'abord, des échos, des affrontements entre Nigel Farage et David Cameron qui se battent pour un oui ou un non. Je pense que pour rendre ce pays plus sûr, il faut revenir à un passeport britannique pour que l'on puisse contrôler n'importe qui d'autre venant de notre pays. Je le pense vraiment. Ce projet ne fonctionne pas. Je veux que nous regagnions notre indépendance. J'ai dit que nous ne devions plus être un club avec une seule monnaie, donc je voulais des garanties pour le pound, notre monnaie, je les ai eues. J'ai dit que je voulais moins de bureaucratie, donc je voulais que l'on supprime certaines régulations ciblées, en particulier pour les petites entreprises, et je les ai eues. Quitter l'Union, c'est démissionner, et nous, en Grande-Bretagne, je ne crois pas que nous sommes du genre à démissionner. Roxy Music, let's stick together, restons ensemble. C'est un des slogans de la campagne. Amandine Alexandre, good morning. Bonjour. Alors c'est quand même une campagne un peu particulière. Hein. Elle est quand même différente d'une campagne électorale classique, non? Alors elle est différente dans la mesure où le gouvernement est divisé sur la question. Donc le Premier ministre David Cameron fait campagne pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, alors que son ministre de la Justice, par exemple, lui, ses campagnes en faveur du Brexit. Donc ça, c'est vrai que c'est la vraie différence. Après, je ne suis pas sûre qu'elle soit si différente des autres campagnes. Les thèmes de campagne, par exemple, David Cameron et les personnes qui sont favorables au Remain, ce qu'on appelle le Remain. Le fait de rester dans l'Union européenne. Oui. Voilà, rester dans l'Union européenne, font campagne sur l'économie, l'impact qu'aurait le Brexit sur la croissance britannique, sur la prospérité du pays. Et c'est exactement le même thème sur lequel le Parti conservateur a fait campagne l'an dernier avant les élections législatives. Donc c'est un débat qui tourne autour de thèmes qui ont été qui sont au centre du débat public depuis maintenant déjà un certain temps. Mais est-ce que les gens s'y retrouvent, hein? Vous venez de pointer le fait que déjà au sein du même gouvernement composé d'un seul parti, il y a des gens qui ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde pour un sujet qui est quand même un sujet fondamental et qui engage le pays pour longtemps. Les arguments de fond sont quand même parfois un peu compliqué, il y a beaucoup de chiffres. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'émotionnel plus que le rationnel qui anime la campagne ? Ah oui, complètement. Mais je veux dire, les Britanniques se sentent très peu européens. Les médias britanniques parlent peu de l'Union européenne en dehors des périodes de crise. Alors on a connu beaucoup de crises récemment, donc on a beaucoup parlé de l'Union européenne. Mais autrement, le fonctionnement de l'Union européenne, ça n'est pas quelque chose qui intéresse les médias britanniques, y compris la BBC, hein, donc y compris le service public britannique. Les Britanniques s'intéressent beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis, c'est leur référence, donc ils se comparent aux États-Unis, donc le système de santé britannique est comparé au système de santé britannique américain. Et ils s'intéressent aussi à ce qui se passe dans les pays du Commonwealth, mais ils s'intéressent très peu à ce qui se passe sur le continent, comme on dit ici, hein, sur le continent européen. Oui. Et donc finalement, le pari de Cameron semble extrêmement risqué parce que pendant des mois, il n'a cessé d'aller au clash en fait avec Bruxelles, de mettre la pression donc sur les institutions européennes pour obtenir un compromis qui lui permettrait ensuite de défendre le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Et maintenant, en fait, il est en train d'expliquer aux Britanniques qu'il en va de leur avenir et qu'il faut absolument qu'ils restent dans l'Union européenne. Donc c'est un discours qui est difficilement compréhensible, je pense, pour des Britanniques, on va dire, qui appartiennent aux classes populaires. En plus, on vient de subir une crise économique dévastatrice. Le gouvernement, depuis 2010, a mis en place une politique d'austérité qui a un impact aussi ravageur. Ça, c'est aussi évidemment l'impact de tous les référendums où il y a des éléments totalement extérieurs à la question qui est posée, qui joue évidemment. Vous restez avec nous, Amandine. Je vais me tourner vers Ludovic Lamand de Mediapart. Vous suivez aussi cette campagne. Qu'est-ce que vous en pensez ? En tout cas, à Bruxelles, c'est assez particulier, l'ambiance. On a l'impression... À Bruxelles, vous voulez dire au sein de l'Union européenne. Dans le quartier européen, oui, pardon. Dans le quartier européen, dans les institutions, mais je pense aussi à Bruxelles, plein d'appels à Bruxelles. Mm-hmm. On est conscient que c'est un moment qui peut être historique, que ça peut provoquer... Le résultat de la consultation peut provoquer un vrai séisme politique. Et en même temps, tous les dirigeants font profil bas... Personne ne bouge, plus personne, tout le monde attend. Et vraiment, l'enjeu là, c'est les Britanniques décident le 23 juin et on attend. Pourquoi ? Parce qu'ils ont compris, je crois, que plus ils parlaient et plus ils faisaient campagne pour le maintien, et ben en fait, ça allait plutôt avoir tendance à soutenir le camp du Brexit là-bas. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'Union européenne est extrêmement impopulaire, finalement. S'ils n'osent pas parler, même pour dire quelque chose de positif vis-à-vis de la Grande-Bretagne, parce qu'ils auraient peur que ça provoque un choc en retour, c'est quand même... Il y a un problème. Là. Oui, alors là, je crois après qu'on touche à un système médiatique aussi en Grande-Bretagne, qui est les tabloïds, qui ne loupent absolument rien, et qui ont tendance à plus que durcir le trait. Donc je pense que c'est très difficile d'avancer des argument pour mener une campagne assez rationnelle sur plein de sujets européens. Dave Sinardet, vous êtes en ligne avec nous aussi. Est-ce que finalement l'avantage de ceux qui sont pour le Brexit, c'est pas que leur message est beaucoup plus clair et compréhensible que celui de ceux qui veulent rester ? C'est vrai qu'ils ont un avantage sur ce point-là. Certainement, quand on sait, et on vient d'y faire référence, hein, quand on sait quelle image de l'Union européenne a été véhiculée dans beaucoup de médias et donc surtout dans les tabloïds britanniques depuis des années. Hein. Il y a eu une enquête là-dessus il y a quelques années qui montrait qu'il y avait vraiment de la propagande anti-Union européenne systématique pendant des années dans ces tabloïds avec ce qu'on appelle des euromyths qui étaient présentés aux gens. Par exemple, le fait que l'Union européenne voulait interdire un tas de choses, les toilettes britanniques, des serveuses avec un décolleté trop grand, etc. Remarquez, on commence à avoir ce genre de problème aussi. Je fais référence au début de cette émission avec la Tartorie, mais voilà, c'est l'aspect tatillon de réglementation qui s'attaque à une identité. C'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ce sentiment-là qui est créé en tout cas, mais sur base souvent d'histoires qui sont complètement fausses, qui sont complètement inventées. D'ailleurs, Boris Johnson, qui est donc maintenant une des figures de proue de la campagne du Leave, dans le temps quand il écrivait encore pour The Telegraph, a fait la même chose à un certain moment. Bon. Donc c'est presque une tradition journalistique dans certains milieux, notamment dans le milieu des tabloïds. Et on voit le résultat parce qu'hier, le Independent a publié une étude qui montrait que l'opinion publique britannique a des idées complètement fausses sur la relation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne. Par exemple, il pense que la Grande-Bretagne donne beaucoup plus d'argent à l'Union européenne qu'en réalité. Je pense aussi qu'il y a beaucoup plus de migrants de l'Union européenne en Grande-Bretagne qu'en réalité, qu'à nouveau, à ces migrants, on donne beaucoup plus d'allocations qu'en réalité. Et même certains des mythes européens dont je viens de parler, beaucoup de gens, effectivement, les croient. C'est vrai, mais en même temps, quand on fait des enquêtes en Belgique pour demander, par exemple, combien il y a de musulmans, les résultats sont à peu près similaires, hein. C'est vrai. Donc c'est bien sûr un problème plus large d'avoir de la désinformation sur certains thèmes dans l'opinion. Ça montre bien, en tout cas, la difficulté pour un vote, je le répète, qui engage bien au-delà de 4 ou 5 ans une législature normale. Amandine, est-ce que le simple fait d'organiser ce référendum n'induit pas déjà l'idée que les Britanniques sont différents du reste de l'Europe ? Oui, évidemment, mais il faut bien avoir en tête que les Britanniques se pensent comme étant très différents du reste de l'Europe. Ils n'ont pas subi d'invasion depuis plusieurs siècles. Finalement, en fait, la façon dont on parle de l'Union européenne, on en parle, et même David Cameron y compris, hein, c'est ça, il en parle vraiment comme d'un mal nécessaire, une puissance extérieure avec laquelle, finalement, il vaut mieux être en bon terme qu'en mauvais terme. Et voilà, donc, c'est un choix par défaut, en fait. Il n'y a aucun amour de l'Europe qui se dessine. Il n'y a personne qui exprime les choses dans ce sens-là. Des valeurs communes. Vous avez l'unique députée verte de la Chambre des communes, Caroline Lucas, qui, elle, essaie de faire campagne sur des thèmes qui sont... elle a une vision de l'Union européenne, disons, qui est complètement différente de la vision de l'Union européenne qu'a David Cameron. Oui, parce que ce que dit David Cameron, c'est donc c'est dans notre intérêt de rester, mais c'est presque un mariage de raison. Ludovic Lamont ? Non, mais en fait, il y a la campagne majoritaire pour le Remain, pour rester dans la Grande-Bretagne, joue sur les peurs. C'est vraiment les scénarios apocalyptiques de dire si on sort de l'Union européenne, c'est la récession, etc., etc. Je ne sais pas si cet argument peut servir ou peut mobiliser. Et là, on parlait des Verts qui sont très minoritaires, mais il y a des débats, par exemple en Écosse aussi, avec les indépendantistes écossais qui essaient de tenir un discours un peu, on va dire, plus constructif sur l'Europe, sans jouer sur les peurs, en expliquant qu'il pouvait y avoir un intérêt aussi politique à rester dans l'Europe. Oui, mais alors là, Dave Sinardet, vous qui vous intéressez beaucoup, je l'ai dit, aux questions nationales, on arrive dans un autre aspect, qui est que, finalement, ce sont surtout les Anglais, mais qui sont évidemment ultra-majoritaires au Royaume-Uni, qui veulent rester en Europe, et que qui veulent partir plutôt, ou en tout cas qui veulent ce référendum, et que finalement, si le résultat devait être la scission, eh bien ça entraînerait d'autres scissions peut-être aussi, et la victoire d'un référendum en Écosse. Oui, absolument. Même s'il faut dire que, par exemple, Londres, qui se trouve quand même aussi en Angleterre, oui. Est majoritairement aussi pour rester dans l'Union européenne. Donc, mm-hmm. c'est pas que en Angleterre. Rien n'est homogène, bien sûr. Une opinion homogène, non, effectivement. Mais c'est vrai que, notamment en Écosse, mais d'ailleurs aussi en Irlande du Nord et au Pays de Galles, la tendance semble être beaucoup plus dans la direction de rester que de partir. Et c'est clair que les nationalistes écossais espèrent un résultat, peut-être, enfin certains d'entre eux, même s'ils mènent campagne pour rester, espèrent peut-être le résultat qu'il y aura quand même un Brexit, mm-hmm. mais que à ce moment, au même moment, on voit que en Écosse, ce Brexit n'est pas soutenu et que là, la majorité a voté pour rester, et ça leur donnerait la légitimité d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance écossaise. Mmh. On pourrait un peu faire la comparaison avec le référendum en Belgique sur le retour de Léopold III, où on a aussi vu que ça créait quand même des tensions communautaires, vu qu'il y avait une différence entre les résultats globaux au niveau belge et les résultats dans les deux communautés. Alors, Ludovic Lamont, vous allez justement en reportage dans le Pays de Galles. Pourquoi avoir choisi cette destination pour ces reportages pour Mediapart? On voyait justement, là on vient d'en parler, il y a un équilibre, il y a 85% des habitants du Royaume-Uni qui sont en Angleterre, et traditionnellement, réservoir de voix pour le Remain, rester dans la Grande-Bretagne, Écosse, Irlande du Nord et Pays de Galles. Simplement, au Pays de Galles, c'est un tout petit peu moins évident que dans les deux autres cas, l'Irlande du Nord et l'Écosse, et les sondages donnent un paysage très serré, avec notamment aux dernières élections régionales, finalement une poussée du UKIP quand même, ce parti de Nigel Farage, europhobe, souverainiste, et qui fait du coup campagne pour le Brexit, et ça pose des questions très intéressantes aussi sur qui viennent chasser, le UKIP vient chasser sur les terres de gauche du Labour. C'est des problématiques qu'on connaît aussi en France par exemple, et je pense que c'est un endroit intéressant pour les derniers jours de campagne, pour voir un peu comment vont se départager un peu, comment vont se décider les indécis. Amandine Alexandre, plus on parle de cette campagne, et plus on se dit que c'est un risque énorme, pas seulement parce qu'il pourrait y avoir le départ et une crise en Europe, mais aussi parce que ça fait sauter toute une série de verrous, y compris au sein du Royaume-Uni. Oui, alors il faut bien comprendre que même si les Écossais ont voté pour rester au sein du Royaume-Uni, il y a un divorce entre l'Écosse et l'Angleterre, on va dire, parce que finalement ça se joue... En tout cas, il y a une désunion qui maintenant est flagrante. Encore une fois, on a déjà passé un cap, en fait, avec le référendum écossais. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce que David Cameron n'a pour l'instant pas beaucoup mis en avant ce risque d'explosion du Royaume-Uni. Parce qu'il sait qu'en fait, je pense que ça n'aura pas vraiment d'impact en fait sur ces électeurs qui souhaitent quitter l'Union européenne. Les Anglais se considèrent comme très différents des Écossais. Il y a une crise identitaire en Angleterre aussi qui est très importante. Je pense que ça explique aussi en grande partie le succès d'un parti comme le UKIP. Et donc voilà, la question, effectivement, on est à un tournant, mais j'ai envie de dire qu'on est déjà dans une nouvelle ère. Une ère beaucoup plus incertaine depuis le référendum écossais. Amandine Alexandre, Ludovic Lamont, Dave Sinardet, merci beaucoup pour ces analyses. Merci. Ludovic, un mot, votre reportage sera disponible en ligne dans combien de temps ? On commence on va en publier deux ou trois sur toute la dernière semaine, donc à partir du jeudi 16 ou vendredi 17, mm-hmm. jusqu'au 23, on va rester au Pays de Galles. Il faut quand même rappeler que le Pays de Galles, c'est une toute petite partie du Royaume-Uni, en termes de population. Absolument. C'est vraiment mais ce limité. Qu'on s'est dit, c'est que là-bas, ça a l'air encore assez serré et que ça pouvait être intéressant de trouver des histoires là-bas à raconter. Eh bien, nous suivrons ça attentivement et nous reviendrons évidemment sur cette campagne le moment venu. Nous allons maintenant nous tourner vers Florence Hainaut, parce que vous le savez que les décodeurs, c'est à la radio, mais c'est aussi à la télé, bien sûr, tous les dimanches à partir de 11h15. Bonjour Florence, qu'est-ce qu'il y a au programme cette semaine ? Mais ce midi, il sera question de la sécurité sur le rail. L'enquête sur le crash de Saint-Georges-sur-Meuse n'a pas encore permis de déterminer avec certitude les causes de l'accident. Mais entre les économies que réalise la SNCB et des cheminots qui se disent à bout, Il est légitime de se poser des questions comme est-on en sécurité quand on prend le train? On va aussi parler inondations. Elles ont touché et risquent encore de le faire le pays. Si c'est vraiment un effet du réchauffement climatique, alors il faudra composer avec cette nouvelle donne. Et comme on peut difficilement régler le problème à la source, eh ben, il va falloir trouver autre chose. Le dernier invité sera Élodie Rupeau, le président du Parti Socialiste, un président de plus en plus contesté. Eh ben, il aura l'occasion de s'en expliquer. Merci Florence. Et à signaler qu'exceptionnellement, et pour des raisons purement techniques, eh bien, il n'y aura pas de séquence comme cette fois, mais je vous retrouverai dimanche prochain à la radio et à la télé. Et en attendant, évidemment, vous pouvez écouter ou réécouter cette émission à 21h sur la première, et alors en permanence sur notre nouvelle plateforme de diffusion et de rediffusion, RTBF Ovio. Avantage, vous pouvez écouter toute l'émission, ou bien alors choisir une séquence qui vous a particulièrement intéressé, et aussi vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux et la faire entendre à tous vos amis et contacts. Voilà, c'est Jonathan Remy qui réalise les décodeurs. Merci à lui, merci aussi à tous ceux qui nous ont aidés à préparer cette édition. 11h15, Florence Hénault sur la Une Télé. Je vous retrouve dimanche prochain, 10h sur la première. Bon dimanche à tous. La première. Et si vos produits étaient disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7? Découvrez vite tous les avantages de l'e-commerce sur cbcpopupwebshop.be. J'aime bien les belles assiettes bien remplies. Ah, nous aussi. Hein, chez Marc, on aime bien les assiettes généreuses. Oh oui, petit, alors on fait des promos généreuses. Oui, comme nos bons filets de poulet tendres et goûtus. Avec du poulet aussi bon, on est sûr de toujours avoir une bonne assiette. Mmh. Hey. Et à propos de bonne assiette, vous auriez pas un peu grossi, chez Marc? Oh, petit. Quoi? Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bons filets de poulet sont à seulement 3,45€ la barquette de 600 grammes. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Les Ardentes. Fêtez les 10 ans du festival du 6 au 10 juillet à Liège. Avec Indochine, Aaron, Alice on the Roof, Les Innocents, Ibrahim Malouf, Feu Chatterton, IBI, Rosé González, Christophe, Charles Bradley, Mark Ronson et Pharrell Williams. Infos et réservations, lesardentes.be. Avec la première, la 2, la ville de Liège et Moustique. La première et la 3 présentent. Fans de cinéma de tout poil, le rendez-vous de l'année approche. Le Brussels Film Festival ouvre ses portes du 17 au 24 juin à Flagey. Avant-première, projection en plein air, brocante, ciné-concert et des rencontres avec des invités, Guy Bedos et bien d'autres. Tout le programme sur brff.be avec la région bruxelloise et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La première. Il est 11h. Et l'on retrouve Marie-Anne Kutsem pour les infos. Bonjour Marie. Bonjour à tous. Une fusillade et une prise d'otage sont en cours dans une boîte de nuit gay à Orlando, en Floride. Il y a de nombreux blessés. Pas d'informations officielles quant au nombre de victimes, mais certaines sources parlent de 25 personnes abattues. Le preneur d'otages a tiré. Il pourrait même porter une bombe. Plusieurs véhicules de secours et de police sont sur les lieux. C'est ce qu'on peut voir sur les photos partagées sur les réseaux sociaux. Orlando, c'est là qu'hier, une jeune chanteuse de 22 ans, Christina Grimmi, a été abattue par un forcené à la sortie d'un concert. Contexte ultra tendu hier à Marseille, 35 blessés dont 4 graves, l'un d'entre eux est entre la vie et la mort. C'est le bilan des affrontements qui ont opposé les supporters britanniques et russes avant le match de l'Euro, Angleterre-Russie. 600 supporters se sont affrontés en fin d'après-midi. L'adjointe au maire de Marseille les a décrits comme une horde de sauvages imbibés d'alcool. Une bien piètre image au deuxième jour du tournoi. Le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, a fustigé, je cite, le comportement irresponsable et délibéré de pseudo-supporters dont la seule motivation est de troubler l'ordre public. Et des heurts ont aussi éclaté hier soir à Nice. Une bagarre entre des locaux et des supporters nord-irlandais a fait 7 blessés. Mais oublions un instant ces affrontements pour parler sport quand même. Hier, le match de la soirée Angleterre-Russie s'est terminé sur une égalité, un but partout. Le programme de la journée, c'est Turquie-Croatie à 15h. Un autre match classé à risque d'ailleurs. Il y aura de nouveau un dispositif policier spécifique. À 18h, Pologne-Irlande du Nord. Et à 21h enfin, l'Allemagne rencontre l'Ukraine. La pluie et les inondations, le retour. Hier soir, des orages ont arrosé entre autres le Brabant flamand et Bruxelles, la capitale où des tunnels ont été fermés, mais tout a été rouvert ce matin. Et la météo n'est pas des plus réjouissantes pour la journée, surtout dans l'intérieur du pays. On attend de nouvelles intempéries dans la soirée, accompagnées de grêles et de rafales de vent. Et puis enfin, ce dimanche, c'est la fête des pères. Bonne fête à tous les papas, donc, et tout particulièrement aux miens. Bonne matinée, à notre écoute. Toute l'info est sur rtbf.be. Bonjour à chacune et à chacun. Pierre-Alexandre Neumann, à la table de mixage, et André Carlier au micro, vous souhaite la bienvenue en l'église Saint-Géry, église de Braine-le-Comte, d'où la première et RTBF internationale retransmettent la messe dominicale. L'accueil qui nous est, qui vous est, réservé ici est sans faille. Il faut dire qu'on a l'habitude d'accueillir dans cette ville, où la population s'accroît chaque année de nombreux nouveaux habitants.